dans la misère. 81. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Maxime Bilodeau fera de la pensée magique dans ses chroniques d'une foulée à l'autre. On recevra notre combo préféré du matin, Angie Durocher et Jasmine Raymond-Réville, et la chronique politique de François Landry, Logocratie 101. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 21 mars 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Stéphanie Paradis en remplacement de Jean-Philippe Charbonneau. Juan Philippe! GP Charb. GP Charb, oui. Il est pas là, il est passé à New York. Hey, le chanceux. Le taquin, toi, qui nous laisse comme ça, toi et moi, à co-animer ensemble. Ben oui, il a pas peur qu'on fasse exploser le studio. Oh ben, tu sais. Hein? Trop de confiance. En tout cas, ben, on a des nouvelles annoncées à son sujet à son retour, mais je pense que s'il y a un studio à reconstruire, ben... pas mon problème, ça sera le sien. Donc aujourd'hui à l'émission, on aura à 7h30 Maxime Bilodeau qui va faire de la pensée magique. Pourquoi de la pensée magique? Eh bien, il nous dit que faire des abdos permet-il, c'est une question ici, permet-il de maigrir du ventre et de se former un six-pack? Est-il vraiment nécessaire de se détoxifier périodiquement l'organisme? Des suppléments vitaminiques peuvent-ils vraiment une fatigue excessive? J'imagine que c'est peuvent-ils causer vraiment? J'imagine, oui. Une fatigue excessive. Trois questions qui flirtent un peu beaucoup avec la pensée magique et qui seront abordées dans d'une foulée à l'autre à 7h30 avec Maxime Bilodeau. Ensuite de ça, à 8h, les élections de la GAQTR. Et ça, on fait ça tous les jours cette semaine et jusqu'à lundi. Et donc, aujourd'hui, on va recevoir Roxane Dulon, candidate à la vice-présidence aux communications. C'est donc l'adversaire de Alex Brise-Bois-Proux qu'on a reçu hier. Oui, c'est ça. Je cherchais donc contre qui allait se battre. Est-ce que c'est dans le jello, dans la boîte ou... Vinaigre balsamique. Yark! Dans l'huile d'olive fraîchement pressée. Je sais pas. Donc, ce sera à 8h. Ensuite, à 8h15 environ, Angélie Durocher, sa chronique L'Index, elle nous présente une chose qu'elle a aimée ou détestée pendant la semaine. C'est sa chronique de choses que, tu sais, l'a fait. D'affaires. Elle met le doigt dessus. Ensuite, à 8h20-25-30, Jasmine Raymond-Réville et la chronique de la GAQTR. Donc, toutes les activités, actualités. Et aussi, il y a une assemblée générale qui s'en vient. Oh! Donc, on va en parler avec elle. Après ça, en fin d'émission, peu importe l'heure qu'on soit rendu, quand on y sera rendu, François Landry et la chronique politique Logocratie 101. Et aujourd'hui, son sujet est Couillard et après. Hein, il y a du monde, hein? Ça en fait des choses pour 2 heures. Hein? Ouais, ça va être intéressant. Mais je pense qu'on va avoir le temps pour faire des petites choses, toi et moi, en début d'émission. Oui, avant 7h30, on va se chialer un peu. Oh! Avec tout le temps de quoi, ce qu'on fait pas assez. Je sens que je vais t'inspirer, là. Oh! Je pense qu'on a passé bien longtemps à des affaires pour chialer. Oui! Mais avant ça, en tout début d'émission, on aura son foutu palmarès, qui est notre petite chronique de top list. Les gens aiment ça, les listes avec des petits points. Une to-do list de choses à faire si vous voulez être dans leur livre des records Guinness. Parce que ce sera le palmarès des records les plus insolites. Donc, ça s'en vient tout à l'heure. Mais pour l'instant, Violette Pie, Fleur de Londres. Hein? Oui. Avec mon meilleur accent londonien. Non? Londonais. Londonais, je pense. Londonais. Les nœuds. Noble pistache, fleur de fruits. Ton jardin de rhubarbe me plaît tout entier. J'en paradigme, j'en paragraphe, j'en parle souvent. Je t'apostrophe entre mon cerveau et ma langue. L'amnésie en journée de ciel. Notre fleur atomique sans cesse s'incruste sur mes disques durs. M'oublies-tu? Sur tes disques durs, m'oublies-tu? Fleur de Londres, fleur de Londres, voudrais-tu prendre le thé? Fleur de Londres, voudrais-tu prendre le thé? d'artefacts, pelure de linge, et l'or s'enfuit sur ta montre sans chiffre. La journée t'amuse, elle ne finira jamais. La journée t'amuse, elle ne finira jamais. La journée t'amuse, elle ne finira jamais. Et ton joli visage ne voit jamais, je ne vais l'oublier. La pièce Fleur de Londres, c'était Violette Pie à Assemblage requis. C'était sur le palmarès francophone, évidemment. Et on retrouve le palmarès francophone avec qui déjà? De nous autres. Pas mal nous autres. et Maxime Tanguay, cet après-midi, jeudi, entre 15h et 18h. Yay! Maintenant, tiens, on va faire une liste. Fait que sors ton petit crayon, là. Oui, t'as pas... Ton calepin, voyons! Hey, on se dépêche! Voici son foutu palmarès. J'ai cette chanson-là dans la tête à tous les jours. C'est aussi, ça n'a pas l'air. Mais Caroline est bonne. Elle est vraiment 40. C'est pour ça. Elle est longue, 41 secondes d'intro. Mais maudine qu'elle fait à job, hein? Moi aussi, mon intro des petits bonheurs est longue, mais c'est ça. Ah, c'est bon. On dirait que tout ce qu'on a ajouté comme intro cette année, c'est des longues intros. On peut pas couper dedans. Non, pas de gras là. Mais watch out pour la prochaine intro qui s'en vient. Vous allez vouloir qu'on la coupe, celle-là. Ah, je pense que je sais de quoi tu parles, ça s'en vient. On vole pas de punch, là, mais une petite chronique qui s'en vient. Et peut-être. Un petit peu de fromage là-dedans. Ouais. Donc aujourd'hui, ça veut rien dire, hein, dis-le même. C'est un indice qui va absolument rien dire. Non, ça peut être même dégueu si on y pense trop. C'est cheesy, mettons. Ouais. D'accord. Exactement. Donc aujourd'hui, dans son foutu palmarès, c'est évidemment la chronique où on propose une liste de choses. Et aujourd'hui, c'est le top des records du monde les plus bizarres. C'est une bonne idée, hein. Donc, vous savez, bon, des records, à un moment donné, c'est difficile à battre. Tellement qu'il y en a, il faut s'inventer des nouvelles sortes de records pour réussir à en avoir, donc, tu sais. Hein? Ben oui, dans le fond, faut que tu fasses un record qui a jamais été pensé, donc... C'est bien beau faire pousser ses ongles, mais tout le monde peut faire ça, là, tu sais? Ouais. Tu l'as fait avec les longs ongles, là, en genre de rond, là? Oui, je pense qu'il y en avait une qui avait été à Mon étrange dépendance, oui, là, ce genre ça. D'émission-là, puis elle était vraiment obsédée par ses ongles, puis elle les peignait, puis ben pas peignait avec un peigne, là, mais avec un pinceau. Avec un pinceau, puis elle mettait de l'huile de vinaigre de balsamique là-dessus, sûrement, l'huile d'olive fraîchement pressée. Ouais, pour que ça coûte bon. On fait des running gags, là. Donc bref, le top 11 des records du monde les plus bizarres, là, c'est pas des cheveux longs, là, ça on s'en fout. Donc, le demi-marathon le plus rapide... tout en poussant une poussette. T'sais? Donc, c'est Nancy Shoebring des États-Unis, évidemment. Elle a complété le demi-marathon en 1h30 minutes 51 secondes. Le record chez les hommes est de 1h15 minutes 8 secondes, Neil Davison du Royaume-Uni. Donc, si vous n'êtes pas parent et que vous voulez quand même avoir un record, parce que là, c'est un record à poussette, donc il faut être parent. Là. Sinon, on peut toujours se pratiquer à courir avec un habit complet. Il y a un record pour ça. Il a couru en portant comment t'avais ça pour les pieds pour nager des palmes. Des palmes, exactement. Ou encore courir de plein d'autres façons. Donc les listes sont sur assemblagerequis.com. Il y a un paquet de records de courses qui sont les plus ridicules les uns que les autres. Wow, courir avec des palmes. Pourquoi pas? Ah, oh, puis le bébé dans la poussette, est-ce qu'on peut emprunter un bébé ou est-ce que ça doit être notre propre enfant? Peut-être que ça rajoute au défi que ce soit le bébé de quelqu'un d'autre, parce que ton bébé à toi, il va t'encourager, tu sais. Sinon, ça pourrait être une poupée, mais là, ça serait comme plate un peu. Ouais. Mais moi, je trouve ça bien parce que ça vient dire, c'est pas parce que t'as des enfants que tu peux pas prendre le temps de t'entraîner. T'as pas le temps, c'est pas vrai. T'as toujours le temps. Pousse ta poussette. Puis courir avec un bébé dans la rue, c'est pas dangereux du tout, là, ça. Pas du tout. Tu peux pas traverser une rue à un moment donné, puis un char qui passe, puis au revoir bébé. Non. Ça arrive pas. Toi, si tu faisais un demi-marathon, tu ferais de quelle façon? Voir. Pour le record Guinness. Imagine dans un monde imaginaire. En rampant. Est-ce que je peux le faire en divan, genre avec un bras sur le côté, puis ça fait avancer un peu? Ouais, c'est ça? Non, faut quand même que tu fasses un effort physique, sinon c'est pas un marathon. Non, je vais faire un marathon sur Wii Sports ou quelque chose comme ça. C'est pas mal le max que je peux faire. Numéro 2, du palmarès des records les plus bizarres, c'est le plus de sièges de toilettes brisés par une tête en dedans d'une minute. Hein, pourquoi pas? C'est le plus de sièges de toilettes en bois, évidemment, parce qu'en plastique, c'est pas cassable. Ça va être en céramique? Peut-être en céramique, j'avoue. Mais bref, celui que j'ai là, c'est le record en bois. C'est 46 par Kevin Shelley des États-Unis. Vous pouvez voir la vidéo de lui en train de se casser des sièges de toilettes en bois sur assemblagerequis.com. OK, dans le fond, il prenait des sièges de toilettes puis il s'est cassé sa tête. C'est aussi simple que ça. Okay, c'était pas installé sur une toilette puis qu'il se frappait la tête contre ça. Ben moi, c'est l'image que j'avais eue. J'avais eu toutes les toilettes alignées. Puis il saoule avant, puis quelqu'un il tient les cheveux, puis il sac la tête sur un siège de toilette. C'est bien ça. Numéro 3, le plus de rotation, lorsque attaché après une drill sur un plafond en dedans d'une minute. Hein? Ça demande beaucoup de force de ton haut, du haut de ton corps. Donc, il est attaché, la drill est attachée après le plafond, genre. Et lui, le gars tourne sur lui-même avec la drill. Le record est de 148 rotations en une minute, réussi par Hui Jiang d'Allemagne. Mais voyons donc, tu vois bien que c'est un accident, là. La drill est restée coincée, puis lui, il a je sais pas comment ils font, hein. Voyons donc. Je sais pas. Hanging from a power drill. Donc, la drill est accrochée au plafond. Mais bon, je sais pas. Wow. Et bon. Numéro 4, c'est les poids les plus lourds. Et là, on regroupe plusieurs choses ensemble dans cette même catégorie-là, dans ce numéro 4. Donc, il y a des Guinness World Records pour un paquet de choses à lever dans les airs. Donc, on dit le plus gros poids levé par une langue est de 27 livres ou 12,5 kg. C'est Thomas Blackthorne du Royaume-Uni. Ensuite, le plus gros poids levé par une paupière est de 14 kg, 30,86 livres, par une femme du Royaume-Uni. Le plus lourd poids levé par les deux paupières, 23,5 kg, 51 livres. Et le plus lourd poids levé par une oreille en utilisant une pince est de 80,78 kg ou 178 livres par Rakesh Kumar de l'Inde. Par les lobes d'oreilles. Par les paupières. Je sais pas, mais il me semble que ça déchire, non, ça? Il est où le muscle dans la paupière? Ouais. Comment tu fais pour te muscler la paupière? Tu te mets des fossiles de plus en plus pesants, puis... Ah, je sais pas, mais... Ça m'écoeure. J'ai comme le goût de pleurer quand je pense à ma paupière qui essaye de tirer quelque chose. Mais c'est parce que si tu entraînes ta paupière, il me semble que ça devient de plus en plus gros et ton œil, t'as de la misère à cligner des yeux. Mais je pense pas. Ça doit pas être la paupière en tant que telle qui va... Okay. Je veux dire, le muscle va pas s'hypertrophier. Ben, oui, mais... La paupière en tant que telle, c'est pas un muscle? Non, il me semble. Il est où le muscle? Il n'y a pas d'os là-dedans, rien non plus. Fait que non, c'est comme juste la peau. Il me semble. Des nerfs. Finalement, c'est le plus de poids que tu peux accrocher à ta paupière sans qu'elle déchire. À peu près ça, je pense. Okay. Donc, il y a un maximum, j'imagine, à ça. Ensuite, c'est le record de l'endurance sur glace avec ton corps au grand complet. Donc, c'est que ton corps nu soit sur de la glace. Je sais pas qui a eu cette idée-là, mais quand même, on parle peut-être pas d'hypothermie ici, là, ça pourrait arriver. Donc, le record est par Wim Hof de la Hollande. Il a passé 1h52 minutes 42 secondes directement en contact avec son corps au complet. Ben, au complet. Relativement parlant, j'imagine qu'à un moment donné, c'est le dessus puis le dessous, puis il y a des bouts qui sont pas nécessairement touchés par la glace. Mais donc, c'est ça, en contact avec la glace. Et on peut voir la vidéo de l'émission Extraordinary People sur Discovery Channel, sur assemblagerequis.com. Ça, c'est trop, là. Ça doit être un gars de la marine. Marines! Je sais pas. Fou, ou un fou. Gars que, tu sais, il y a des gens qui ne ressentent pas la douleur. Ah, mais c'est triché, ça? Ben, oui, exactement, mais ils sont pas obligés de le dire, ça. C'est genre ceux qui peuvent toucher un calorifère, puis il y a aucun danger. Ben, il y a un danger parce qu'ils vont se brûler la peau, oui, mais ils sentent pas. Oui, c'est ça, ils font juste pas le réagir à. C'est comme notre ami collègue ici, assez fou, là, Jean-René Boutin, l'émission en deux périodes, lundi, 15h, de 17h, à quelle heure ça joue, ça, 4 à 6, je pense, 16h, 18h, qui ne ressent pas le courant. Donc, il peut toucher une clôture électrique. Le courant passe dans son corps et si quelqu'un lui touche, va pogner un choc, mais lui, il pogne pas le choc. Pour vrai? C'est débile, débile, débile. Puis on a ça, c'est fou, là. Mais pour vrai? On devrait s'en servir. C'est un surhomme? Oui. Hey, si jamais il nous écoute, j'ai des ampoules à changer chez nous. J'ai un peu peur. Non, non. Non. C'est moi qui l'appelle, Jean-René Boutin. Cocotte. Cocotte. C'est ça, Boutin? Ouais, cocotte. Je me mets tout le temps, je voulais l'appeler Bouscotte. Bouscotte? Moi, je vais l'appeler Bouscotte. Non, ça, c'est un téléroman douteux des années 90. Je l'appelle Bouscotte. OK. Toujours dans le top des records du monde les plus bizarres. Le temps le plus rapide pour faire péter 3 ballons, des ballons, avec son dos. OK? Donc, la fille, qui s'appelle Julia Gunthel, ou on l'appelle Zieta, d'Allemagne, elle se plie le dos par en arrière. Oui, et elle va péter des ballons avec son dos versus le derrière de ses cuisses. On l'imagine, la position, c'est difficile à expliquer, mais elle se plie par en arrière. C'est quelque chose, ça a pris 12 secondes pour péter ces 3 ballons. Ben, coudonc. Félicitations. Ensuite, le plus de melons d'eau tranchés sur l'estomac de quelqu'un en dedans d'une minute. C'est tout le temps en dedans d'une minute, hein. Donc, l'outil utilisé pour trancher les melons d'eau était une machette, ce qui rend ça encore plus terrifiant. Le record est de 25 melons d'eau en une minute. Ça a été réussi par 2 Australiens. Jim Hunter était le trancheur et Celia Curtis était la tranchée. Wow, se sont inspirés d'une application, je crois. C'est pas Fruit Ninja. Oui, qui a commencé, qui a eu l'idée en premier? Ah, l'œuf ou la poule, hein? Mm-hmm. La balayeuse ou l'aspirateur? Pas la balayeuse, c'est la balayeuse ou le tapis. C'est ça, j'ai retweeté ça. Ouais. Donc, ensuite, c'est le plus de t-shirts enlevés alors qu'on fait rebondir un ballon de soccer sur sa tête. Oui, ballon de football ou de soccer, dépendant, mais c'est un ballon rond, le blanc et noir, dépendant des pays. Donc, apparemment, certains gens utilisent leur capacité à faire rebondir des ballons de soccer sur leur tête pour le bien, hein? Donc, le record est de 21 chandails. Donc, tu fais rebondir des ballons sur ta terre, hein? Ouais. Tout en enlevant un chandail à chaque fois. Donc, 21 chandails. C'est complètement inutile, mais c'est vraiment impressionnant. Pour vrai. Et c'est Marcelo Ribeiro de Da Silva. Ah, peut-être parent avec Michael Da Silva du Dîner de Con. Donc, il vient du Brésil, celui-là. Alors que l'autre est portugais, celui du Dîner de Con. Fait que, ouais. Mais, si vous n'avez pas, vas-y. Mais pour vrai, là, juste faire rebondir un ballon sur ma tête, c'est totalement impossible. Et juste enlever des chandails tout seul comme ça peut être difficile des fois. Imagine les deux en même temps. Dépendant des boutons. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas capable de faire rebondir un ballon de soccer en enlevant des chandails, fait rebondir une balaki en enlevant tes pantalons. Mais je suis pas plus capable de jouer wacky. Non. Non. Ça va pas bien notre affaire, là. Non. Parce que là, on essaie de se trouver un record à battre, évidemment. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire ça avec le soccer aussi, vous pourriez mettre des chandails au lieu de les enlever, ou des chandos, comme j'aime bien dire. Donc, vous pouvez y aller pour le record du plus de chandos portés en même temps. Le record est de 257 chandails en même temps. Wow. Je pense pas pouvoir faire mieux que ça. Des chandails minces, sortez par nous. Mais j'imagine qu'il faut que la personne aussi soit minuscule pour pouvoir... porter des chandails. Tu sais, il va de X-mall à 3X large. À Biggest Loser size. 9e position du palmarès des records les plus bizarres. C'est le plus de pas fait par un chien tout en balançant un verre d'eau sur son museau. Oh. Donc, vos animaux peuvent avoir des records eux aussi. Sweet Pea, un Australian Shepherd Border Collie, présentement le record de cette catégorie-là. Sweet Pea a marché pendant 10 pas, OK, à l'envers, donc à reculons, et 10 marches par en bas en avançant. OK? Wow. Tout ça en ayant un verre d'eau sur le museau, c'est quelque chose. D'avoir le nez plat? Oui. Oui, parce qu'il n'y avait pas le nez plat avant, maintenant, il y en a un. Il y avait un verre d'eau sur le nez. Ben oui. Ça te déforme un nez, ça. Un museau. Tu donnes un petit coup de marteau pour l'aplatir un peu avant de... C'est ça. Oh. Ah, tout pour être... voyons, il faut souffrir hein, pour gagner des records. On reste dans les animaux domestiques. C'est le plus gros ronronnement par un chat domestique. Si tous les fans de chats hein, voulaient participer au livre des records, ben voilà votre raison de le faire. Donc, c'est le plus grand ronronnement enregistré par un chat domestique. En fait, c'est sûrement pas lui qui l'a enregistré. Mais c'est 67,7 décibels. C'est Smokey le chat. Et selon le site web de Guinness World Records, Smokey est un chat domestique qui a réussi ce record-là à la maison où il se sentait relaxé et heureux. Les accessoires utilisés pour réussir ce record-là, il y a une brosse pour peigner le chat, des tranches de jambon et flattage à la main. Et de longues balades sur la plage. On dirait un petit portrait de dating show. Voilà. Et pour terminer la plus longue distance, alors que t'es tiré par un cheval. Je sais pas, là. Donc, on dit se faire draguer par un cheval sur une longue distance ou se faire mettre en feu. Ce sont tous des records qui existent, mais celui-là, c'est vraiment se faire tirer par un cheval. La distance record est de 472,8 mètres, 1151 pieds et 2 pouces, réussi par Alapi Roland de Hongrie. Donc, il se faisait tirer par une corde par un cheval à terre. C'est donc bien inutile, ça. Complètement inutile. C'est ce qu'on appelle le full body burn. C'est le record full body burn. Donc, tu fais brûler le corps au complet parce que t'es tiré, tu sais, un peu comme quand tu te brûles sur du tapis ou n'importe quoi. Ugh. Ah, non. Pas le fun. Voilà pour le palmarès des records Guinness les plus bizarres et stupides. Mais effectivement, tu finis avec le plus bizarre, stupide et inutile. Ça n'a aucun sens. Et lequel est-ce que tu serais prête à faire? Le chat, parce que... oui, OK. Oui, je suis prête à flatter mon chat et à donner du jambon pour essayer d'enregistrer le plus fort ronronnement. Mais elle ronronne quand même facilement, contrairement à d'autres chats que t'entends jamais ronronner. Ouais. Fait que déjà, c'est peut-être pas impossible, mais c'était combien? 60 et quelques décibels? C'est quand même impressionnant. 67,7, ouais. Moi, honnêtement, si mon chat ronronnait aussi fort... Elle rentrerait pas dans la chambre la nuit non, parce non, que c'est dérangeant. Tu dors pas, là. Pour vrai, j'aimerais entendre l'extrait sonore de ça. Peut-être que je chercherai tantôt. Mais ça serait bien de savoir qu'est-ce qui fait du bruit à peu près un 67. Un avion, une tondeuse. Je sais ouais, pas. On va essayer de trouver ça. Parfait. On fait nos recherches et voilà pour la chronique. Sont foutus, palmarès. On aime ça. On continue avec la musique de Hunter Valentine. Gates of Hell. On écoute ça et puis après ça, on revient et on chiale un peu dans tout le temps de quoi. Oh, ça, c'est le fun. Ouais, mais ça. Need a moment to myself now, escaping from a manic state. A demon sent a hold me, stop me and control me. I hope that when you read this note, you know that I'm well aware that I'm not close to perfect. I know you don't deserve this. You hold me, but I can't see myself. Gates of Hell, the Hunter Valentine. On parlait de chat tantôt, oui, tu l'aimes pas même mieux que moi. Alors, on parlait du chat qui avait le plus grand ronronnement, le plus fort ronronnement à 67,7 décibels selon le livre des records Guinness. Oui, et j'ai trouvé à peu près des sons avec lesquels on pourrait comparer le ronronnement du chat okay. à 67 décibels. Donc, entre 65 et 75 décibels, il y a par exemple une imprimante. OK. Ensuite, à 70 à 80 décibels, une rue à gros trafic. Oh. Fait que ça, je pense que c'est quand même assez impressionnant. Mm-hmm. Sinon, 65 à 75 décibels, un aspirateur. OK. Fait que c'est pas plaisant, quand même... quand même fort, là. Ouais, non, c'est trop pour moi. J'ai trouvé un petit reportage sur le chat. Malheureusement, j'ai pas trouvé la place dans le reportage, donc on va l'écouter un petit peu, OK? We're all used to a bit of noise around the house. On est tous habitués à entendre les sons à la maison. The vacuum cleaner. L'aspirateur, le téléphone. Kids watching TV. Les enfants qui regardent la télé. But in the Adams household, they have to put up with something Adams, even ils ont quelque louder. Chose d'encore plus fort. This is their pet cat, Smokey. C'est leur animal they got de compagnie. Her 3 years ago from a rescue center. She's je vais arrêter la traduction mauvaise, c'est quoi? Shit! Oh! And this cat never shuts up. Mais ça, j'allais dire, on dirait une... Oh! Oh, c'est vraiment cute! On this reading, she's made it up to 81 sur cette lecture, elle s'est rendue jusqu'à 81 décibels. 81, le record, c'était pas 76. Ouais, mais le record doit être homologué par quelqu'un de chez Guinness. Ah. Donc, j'imagine qu'à la maison, ils ont réussi à le prendre plus fort que ça, mais il faut Guinness pour approuver. Ça pourrait même mener à une surdité, genre chez ses propriétaires. Come on! Ruth Adams is Smokey's owner. Ruth Adams est la propriétaire de Smokey. Okay. Il est très naturel dans son reportage. Il est tellement mauvais. Mais c'est comme je dirais littéralement chaque foutu journaliste français. Chacun d'entre eux sont vraiment tous désagréables aux nouvelles. Désolé de vous le dire, mais c'est comme ça. Je regarde pas vraiment ce genre. Ah, sur TV5. Ah, il est beau le chat. Je l'adore. C'est Smokey le chat, Steph. On le câline. Oui. Oh. Donc voilà pour ça. Et puis on passe à la prochaine chronique. Et voici tout le temps de quoi. On a trouvé une bonne dizaine de choses sur lesquelles chialer aujourd'hui, Stéphanie et moi. On est productifs dans le chialage. Mm-hmm. Je te laisse commencer, si tu veux, par ton premier. Ah oui, tu me laisses commencer? Ouais. OK, ben moi, je vais commencer avec les frais de ma compagnie de cellulaire. Oh non! Écoute, moi, j'ai bloqué sur mon cellulaire le réseau 3G. Parce que moi, non, j'ai pas le réseau 4G. Non, non, j'ai t'es pas rendu un là. Vieil Android. Un Android qui marche pas très bien. Il va très bien et je peux dire qu'après l'avoir échappé à peu près 5 pieds de hauteur à plusieurs reprises, même après qu'il ait éclaté, il fonctionne encore. OK? Bon, bon. D'accord. Donc, j'ai bloqué l'Internet sur mon cellulaire et pourtant, ça fait plusieurs mois que j'ai des frais de téléchargement et je ne comprends pas pourquoi. J'ai essayé d'appeler, c'est tout le temps occupé. T'es allé sur place. J'étais allé sur place, mais ça, ils m'ont dit d'appeler, que c'était possible de me faire recréditer tout l'argent qu'ils m'ont extorsionné. Là. Oui. Donc, c'est un peu frustrant qu'à chaque fois, moi, je suis supposé avoir une facture de 28 et des poussières. J'ai tout le temps des factures de 40, 45 $. Donc, ils vont me devoir une coupe de mois, là. Pas mal, pas mal, pas mal. J'espère qu'au prochain téléphone que tu vas avoir, ils vont régler le problème. Mais sinon, j'espère que ça va être avant aussi. Ah. Je te souhaite. Ensuite, moi, ça date quand même un petit peu, cette affaire-là. Mais il y avait les Oscars qui étaient diffusés. Il y avait un pre-show des Oscars sur CNN. Et pendant les pauses publicitaires, ils réduisaient la publicité dans un petit carré. OK? Et à côté, dans un grand carré, ils montraient l'arrivée des limousines. Mais sans aucun son, là. Le son, c'était le son des publicités. Le carré des publicités était à peu près de la même grandeur que le carré des limousines, ou sinon un petit peu plus petit, genre. Comme si les limousines étaient tellement importantes. Puis là, ça marquait en bas, genre, et le Oscar va... Ah, c'est comme un titre générique de reportage. Puis, tu vois, les limousines arrivaient pendant 3 minutes. Pourquoi? Mais voyons. Tu sais même pas c'est qui les vedettes, tu sais rien. Mais au pire, fais le contraire. Mets la publicité en gros qu'un petit carré pour les limousines, pour ceux qui sont vraiment voyants. Non, fais juste pas ça. Fais juste pas ça. Je veux dire. C'est comme, tu sais, sur les chaînes financières ou peu importe, ils vont mettre les indices boursiers en bas de l'écran et pendant les publicités, les pubs vont être réduites, il va y avoir la barre en bas. Ça, c'est utile parce que tu veux savoir tes indices boursiers même quand il y a une pause. C'est logique. À LCN, des fois, ils vont mettre les pubs plein écran, puis après ça, aussitôt qu'ils reviennent, le scroll revient en bas. Mais mettons, sur Météo Média, ils sont tout le temps en pause, ils sont tout le temps en reportage. Là. La barre, elle devrait être là en permanence. Là. Oui, ça, c'est vrai. Je ne devrais pas avoir à attendre 6-7 minutes avant de voir mes prévisions météorologiques. Mais c'est pour ça que je ne vais pas à la télé, ben je vais sur Internet. Mais pourtant, c'est une des chaînes les plus regardées. Ah, ah ouais? Ben oui. Ben oui, c'est les petits vieux qui n'ont pas Internet. Tag team, tonton. High five virtuel. Mes essuie-glaces. Je ne suis plus capable, je les change sans cesse. Et hier, entre autres, je comprends pas pourquoi l'essuie-glace de mon côté, il y avait juste les deux extrémités qui touchaient au pare-brise. Fait que bref, ça faisait rien. Ça faisait juste comme fouette, OK? Et ça n'a absolument rien essuyé. Je comprends pas, il y a comme gelé tout croche. Je les change, je les frappe. Tu les trempes dans l'eau pour qu'ils gèlent avec une couche d'eau. De la grandeur et de la taille que tu veux. Ah, mais pour vrai, là, tu sais, tu roules, puis tu es obligé d'essayer d'attraper ton lave-glace par la fenêtre, puis t'as le bras gelé, puis... Non, mais pour vrai, j'ai une grande malchance avec les essuie-glaces. Mon tour, c'est les Oreos, moi. Mon prochain sujet. J'ai acheté des Oreos double crème. Je me suis dit, je veux des double crème. J'ai la rage de double crème depuis des mois. Je me dis, je vais en acheter un vrai, temps spécial. J'achète ça. Il y a à peine une crème et un quart, là. Oh. C'est pas double crème, là. Double crème, ce serait deux fois plus gros que le normal, là. C'est pas plus. Non. Double, effectivement, c'est la. Tu sais, puis, tant qu'à ça, fais donc des triples crèmes, si tu veux vraiment. Tu sais. Beurre épais, tant qu'à faire. Puis ça vient dans un emballage écologique qui a comme un petit collant. C'est comme sur le dessus de l'emballage. OK, mettons, tu l'aplatis, tu le mets sur le côté. Et puis, tu tires pour ouvrir l'emballage. C'est collant, donc tu peux le refermer après ça. OK, ça dit que ça prend comme 25% de l'emballage original. Sauf qu'après ça, tu n'as pas de plastique à l'intérieur pour envelopper le rack, le tree, le rack à biscuits. Donc, c'est directement accès direct quand tu ouvres le paquet. Puis quand tu le refermes, c'est pas exactement hermétique, t'sais. Ça manquait. Moi, j'aimais ça avoir l'emballage de plastique plus la boîte parce que comme ça, même avec ça, mes biscuits finissaient par être super mous après genre 2 semaines. Ouais. Donc, je pense que j'ai l'impression que la boîte ne durera pas longtemps. Ah, mais avec moi, ça me dérange pas. T'es obligé de les manger super vite. Ce sera une excuse. C'est-tu plate, hein? Mm-hmm. Oui, OK. Là, je suis rendue. Les téléséries américaines qui font des pauses de 2 ou 3 semaines. Tellement. Je ne suis plus capable. Quand t'écoutes une série, pour vrai, c'est difficile d'écouter juste un épisode par semaine. Fait que des fois, je vais être du genre à attendre que la série soit avancée, puis je vais écouter des saisons. Pas 2-3 épisodes, même 2-3 saisons. Je préfère que ça comme ça. Je peux l'écouter en rafale. Mais là, ça fait 3 semaines que j'ai pas eu d'épisode de Bones. Ah, non. Que j'ai pas eu d'épisode de How I Met Your Mother. Ah, mais pour vrai, t'es comme... Ah, je te comprends. Mais moi, j'écoute pas de série avant que la saison soit finie ou même que la série au complet soit finie souvent, c'est bien ce que je fais. Ben, en fait, j'aimerais ça que t'écoutes en iMet, qu'on puisse en discuter, mettre à jour, s'il exactement. Vous plaît. Parce que là, les spoiler alert, là, c'est bien facile, là, mais à un moment donné, elle me dit des affaires puis des fois, elle va s'échapper, là, je pense, dans les détails. Ah, là, c'est clair, là, je m'échappe tout le temps. Je suis complètement incontinent des spoilers. Non. Mais je comprends pas. Les Américains font leur série de septembre à mai pour coordonner avec les mois de grosse cote d'écoute, les mois de BBM, genre. Donc, ils vont étirer une série de 22 épisodes sur 8 mois. Là, ça n'a pas de sens. Là. Come on. Il faut qu'il y ait des pauses là-dedans. Mais non, j'aime pas ça. La pause de Noël, au pire, commence un peu plus tard après Noël. Mais après ça, fais pas des pauses de 2-3 semaines. On fait pas ça au Québec et en Grande-Bretagne. Entre autres, on fait de très, très courtes séries de 6 ou 10 épisodes. Et puis, tout back-to-back. Puis après ça, on passe à une autre série. C'est beaucoup mieux fait. Oui. Ensuite, moi, je vous dirais que je comprends pas les produits, en fait, qui portent des noms différents dans plusieurs marchés. Comme, mettons, j'ai acheté de l'antiflogistine parce que j'ai vu la pub à TV. Puis, en effet, ça fonctionne. Ça. En anglais, c'est Rob A535. Ça s'appelle Rob, comme frotté, A, comme la lettre A, 535. J'imagine que c'est le numéro de la formule ou du médicament qu'ils ont mis dedans, mais Rob A535, en français, c'est antiflogistine. Je comprends pas. Sur l'emballage, d'un côté, moi, je te jure, je vais au magasin, je demande antiflogistine, elle me montre ça, je fais comme... OK, puis je regarde à côté, puis attends un peu. Ils ont le même look, mais c'est pas le même nom. Mais parce que c'est le paquet et à l'envers. T'as tourné la boîte et... Mais je me suis rendu compte, juste rendu chez nous, qu'en anglais, c'est ça, du Rob A535, parce que je savais que ça existait, mais je savais pas qu'en français, c'est de l'antiflogistine. Ah. Je comprends pas l'adaptation du marché. Ben c'est comme Monsieur Net. Tu sais, Monsieur Net, mettons, nous autres, on appelle ça Monsieur Net, mais en France, c'est genre Mr. Clean. Mr. Clean, ah oui. T'sais, mais au Québec, on adapte les choses. J'aime ça. C'est bien, mais je trouve ça bizarre que ce soit aussi différent. Mais c'est ça, je vois pas le lien entre les deux. Non, ça pourrait s'appeler Frotte A535. Ben oui. Hein, le blum ou votre marketing? C'est super vendeur. Frotte A535. Non, c'est en anglais qui n'ont pas rapport. Je comprends. Oh, Toto. Wow. OK. J'étais allée dans un restaurant sportif quelconque. Où il y a des ailes de poulet, des rondelles d'oignon et des grosses TV. Rondelles d'oignon, des oignons. Qui regarde des matchs de hockey aussi. je suis en train de traiter les sportifs d'oignons, mais Maxime Bilodeau est sûrement dehors en train d'attendre pour faire sa grande. Non, mais moi, j'ai rien dit. Là. Non, c'est juste moi. OK. Donc, je suis allée dans ce fameux restaurant. J'avais le goût d'un burger. OK, puis là, c'est cool. Il y a toutes sortes de burgers. Vrai. Et là, je regarde ça, le burger, le ring, OK? C'était le ring, il y avait des rondelles d'oignons. Oui, il y a des rondelles d'oignons dedans. Oh, là, je regardais ça, j'étais comme, wow, j'adore les rondelles d'oignons. J'avais le goût de ça, mais j'ai le goût d'un burger. Là, ils vont mettre des rondelles d'oignons dans mon burger. Wow. Je capotais. OK, quand le burger est arrivé, dedans, là, il a vraiment fallu que je sorte ma loupe pour trouver les rondelles d'oignons. Il y avait deux rondelles d'oignons, OK, toutes flasques, molles et humides, la grandeur à peu près d'un 2$. OK. Puis il y en avait deux petites dedans. C'est poche. J'étais tellement triste, là. Oh, chez Burger King, il y a tellement des grosses rondelles d'oignons dans leur hamburger quand tu penses. Mais avoir su, j'aurais commandé une rondelle d'oignon et je les aurais foutues dans mon burger. C'était vraiment décevant, ça goûtait pas et j'ai boudé tout le long. Ah, je comprends. Il était même pas bon. C'est triste. Rapidement, j'en ai un autre qui me dérange, c'est le App Store d'Apple sur l'iPhone. Quand je cherche des applications, parce que je suis un petit peu accro aux applications, puis tu sais, vu que la carte de crédit est linkée, tu sais, ben liée à mon compte, c'est assez facile d'appuyer sur acheter. Ouais. Et quand j'en achète une, je la regarde, puis des fois, j'attends trop longtemps parce que je fais d'autres choses. Mettons, si je suis à la maison, j'ai des tâches à faire, je reviens, je fais retour en arrière et ça me ramène au premier résultat. Mais sur le nouveau iOS 6, là, c'est une carte d'application par page. Fait que quand, mettons, l'application 1, tu tasses l'application 2, tu tasses l'application 3, il y a juste une application par page. Fait que retourner à la 135e où tu étais rendu, c'est vraiment frustrant. Wow! Ouais. Wow! Fait chier, ça me dérange. Tu vas te muscler juste un doigt. Un doigt. Tu devrais alterner une main au moins pour avoir les deux index égaux. Oh. Est-ce que t'en restes? Oui! Il me reste mon dernier... Et ça, c'est tout frais d'hier. Le couvre-plat en plastique d'un micro-ondes, là, ouais. Il pourrait pas les faire plus haut pour que ça arrête de tremper dans la bouffe? Ouais, hein? C'est vrai, ça. Honnêtement, t'as à peu près trois ou quatre fois la hauteur du couvre-plat en plastique que tu pourrais mettre par-dessus dans le micro-ondes. Mais ils font ça, genre, super pas haut, puis ça trempe tout le temps dans ta bouffe. C'est dégueulasse. Je trouve ça aberrant. Pour vrai. Faites-en des plus hauts qu'on puisse mettre des assiettes de cochon un peu de temps en temps dans le micro-ondes. Puis en plus, c'est qu'ils ont des trucs pour mettre tes doigts, puis ils sont en rond, fait que c'est les ronds. C'est ça. Les insertions de ronds. Exactement. Les petits ronds qui te rentrent dans les bines. Pas le fun. En tout cas, ça nous a fait du bien, je pense. Ah oui. On a pris du temps pour chialer, ça vaut la peine. Mais je me sens bien, là. C'est un exutoire, là. Je me sens libérée. Ha! On va passer une belle journée maintenant. On va arrêter de se chicaner. Tellement, on va pouvoir accueillir notre prochain chroniqueur, Maxime Bilodeau, avec un sourire dans la face. Mais pour l'instant, on prend une pause. C'est ça. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de la scène émergente. C'est fou de scène émergente. C'est fou de la musique. C'est fou 89.1. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Stéphanie Paradis est là. Et Mathieu Plante est toujours là. Oui. Oui. Et Maxime Bilodeau vient d'arriver. Présent. En fait, c'est un bout qui est arrivé, on le fait attendre. Bon, ben, c'est pas grave. On avait des choses à chialer, fait qu'on se vide un peu. Faut se laisser désirer dans la vie. C'est le désir, ça se perd. C'est, moi, j'aime ça me faire désirer. Waouh, c'est sexy pas mal le matin. La voix à matin. Lève ta jambe, Maxime, pour faire d'une foulée à l'autre. Position. Ouais, c'est atypique. Pour remettre les gens en contexte, vous étiez avec nous la semaine passée, tu te rappelles, Maxime, Jean-Philippe Charbonneau avait une bosse dans le cou. Oui, oui. Et moi, j'étais pogné sur ma chaise avec une position que j'étais pas capable parce que j'avais super mal dans le dos. Paraît que tout s'est réglé. Ben, ça va mieux, disons. Et là, Stéphanie Paradis qu'on anime avec moi aujourd'hui, donc j'imagine que Jean-Philippe Charbonneau est peut-être sur un lit d'hôpital. Ah, peut-être. Mais non, il est à New York. Par contre, on sait maintenant, pour ceux que ça intéresse, que c'est un kiss. Il va falloir que ça le fasse vider. Oh, non, bon, ouais, pardon, ouais. Qu'est-ce qu'il va en sortir? Je sais pas, mais peut-être qu'il va nous amener ça en studio. C'est peut-être un alien, on sait pas. Peut-être. C'était ma première théorie, ma deuxième, c'était des araignées. Des araignées? Ah, ouais. Oui. Ben, pas? Comme, ça arrive, ça? Qui font des œufs dans ça arrive, ça arrive. Malheureusement. Ouais, ben, absolument, c'est des vers. Tu sais, on appelle ça des vers intestinaux. Oh! Un chien a ça des fois. Des humains ont ça des fois dans pays un peu moins favorisés que le nôtre, là. Mais non, ça doit pas être ça. J'espère. Je lui souhaite. S'il nous écoute, je lui souhaite. Ça m'étonnerait qu'il y ait des vers intestinaux dans la bosse, du coup. Sinon, on sait jamais. Sinon, on va faire comme Rocky. C'est Rocky buvait un œuf cru. Tu sais, là, ça va être Fucky. C'est le Rocky des Fucky qui va boire le puits. C'est quoi cette idée-là? Ah, mon Dieu, c'est dommage organique à ma tête, j'aime ça! Un court-métrage que je veux réaliser bientôt. C'est bon. Donc aujourd'hui, Donc aujourd'hui, on parle de passé magique, on répond à des questions de gens qui veulent se simplifier la vie, un peu comme moi, qui veulent pas sortir de chez eux, ils veulent pas faire d'exercice du tout, mais qui pensent perdre du poids de notre façon. En fait, oui, un exercice de pensée magique. Aujourd'hui, ouais. On va déboulonner des mythes, on va jeter des statues à terre, on va chiffonner des certitudes que de même chose, pour dire une même chose, finalement. Oh, voilà, support sonore ici. Chiffonner un... Et Dieu sait que dans le monde de l'entraînement et de la remise en forme, il y en a. Et okay, oui, je vous apprends rien, je pense bien. Alors, beaucoup d'affirmations, beaucoup de gestes posés sur la base du gros bon sens. Moi, j'appelle le gros BS, le gros bon sens. Qui est aussi un client de ce restaurant bar qui diffuse des matchs de hockey. Ceux qu'on appelle des oignons tantôt. Effectivement, on nomme personne. Non. Si le chapeau vous fait, portez-le, voilà. Comme on dit. Donc, la mode et le marketing se basent souvent sur le gros BS. Encore là, je vous apprends rien. Mais bon, le gros BS, mon Dieu, j'aime ça, le gros BS. C'est drôle, hein? C'est comme dans une publication scientifique, là, quand tu commences ton sujet, puis là, tu dis le mot qui prend 15 pages de long, tu mets en parenthèse, puis après ça, tu mets l'acronyme, ben là, moi, c'est le gros bon sens, c'est gros BS. Donc oui, le gros BS, souvent, n'égale pas la réalité. C'est exactement ça, c'est la pensée magique. Comme je disais, dans le monde de l'entraînement, la remise en forme, on en abuse abondamment. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on exploite deux faiblesses patentes chez les gens, soit la santé, qui ne veut pas être en santé, qui ne veut pas se sentir bien et jeune et blablabla. Fringant. Et finalement, le deuxième, l'image corporelle, la beauté. C'est la beauté dans notre société, on titille ces petits boutons-là. Puis les gens sont superficiels, ben oui. Et voilà, c'en est surprenant parfois. Donc, trois objectifs aujourd'hui que je poursuis avec cette chronique. Donc, doter les gens d'autodéfense intellectuelle. Donc ça, c'est tout simplement les informer. C'est peut-être que les sujets qu'aujourd'hui on va jaser, vous ne les connaissez pas ou que nos auditeurs ne les connaissent pas. Donc, ils vont peut-être apprendre des choses. Ça serait bien, bien amusant. Sûrement, avec tes chroniques, c'est toujours ça. Hein? Oh, on essaye. Deuxième but, fixation et atteinte de buts réalistes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les gens, des fois, poursuivent des buts de remise en forme, de santé, sauf qu'ils font ça de façon n'importe quoi. Ben, en fait, ils font ça d'une façon qu'ils croient que c'est bien, mais c'est du gros marketing. L'intention est là, mais les moyens pris sont un peu irréalistes. D'ailleurs, mon premier sujet est très, très, très spécifique à ça. Et troisième but, c'est ben un peu de remise en question. Peut-être qu'on va vous dire des choses que vous faites et que vous êtes convaincus d'eux, mais que, oh mon Dieu, je vais vous dire le contraire. Vous allez comme faire, comment on appelle ça, dissonance cognitive. On va tout se tomber. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ouais. Remise en question, introspection. Si on rencontre du monde en boule, en fœtus, en sortant tantôt, c'est du monde. Stéphanie a dit position feta. Feta. Oui. OK, ça, c'est comme le fromage. Dans ton petit jus. Oui. C'est bon, poser ton fromage. Et quatrième but, ben juste parce que c'est le fun. Bon. Personnellement, c'est des sujets qui me font toujours rire, ce que j'ai joué aujourd'hui. Donc, on va commencer, on va parler d'abdominaux. Les abdominaux, ça, c'est la suite. Le jeu là, qui t'en fait tomber un, puis toute la gang tombe. Là. Bon, mon Dieu, on a beaucoup de chemin à faire. Pour que tu expliques, c'est quoi? Abdominaux, OK, anatomie. Anatomie. Il y a le tronc en Tommy haut. Anatomie Auger, c'est le nom de quelqu'un, je me dis. Bon, OK, j'abandonne. C'est bon, donc abdominaux. Ben, en fait, on va s'attaquer un peu au mythe du maigrir du ventre et se développer une tablette de chocolat. C'est tout le temps exceptionnel. C'est tout le temps accessoire. On aime tout laquelle? Le temps ça. Une coffee crisp. Ben, si. Attends, si c'est une barre Mars, c'est comme, il n'y a pas de relief. Non. Ça, c'est mou un peu. Ouais, c'est un peu moche. Ondulé. Des fois, il y a une petite torsade, là, mais on n'aime pas ça. C'est en tout cas, il y a du caramel. Puis des bretzels. Des bretzels dans tes bars Mars. Dans ma barre. C'est bon. On habite pas au même pays, je suis dans le même pays. Bon, c'est pas la même chose. Donc, en entraînant ses abdominaux, en se faisant des tonnes de retressements assis, en faisant des planches abdominales, aller dans un gym, vous allez en voir beaucoup. C'est exponentiel. Un gym Belushi? Il est en feu. En fait, c'est tout ce qui est Ab King Pro et compagnie, Ab Twister et tout, sont un peu dérivés de ça. Alors, faites beaucoup d'abdominaux et vous allez avoir des beaux abdominaux, vous allez être maigre du ventre. Alors, pensez à ça, c'est. Mais, mettons, vous faites juste des abdominaux, ouais. Vous êtes maigre du ventre, puis le reste du corps n'est pas entraîné. C'est flaccide, ouais. C'est comme vous avez des petites cannes, vous avez des bras avec du bye-bye c'est qui pas pendent. Ben beau, ça. Puis là, vous avez des abdominaux de la mort, ça marche pas. Non, mais faites confiance à Louis-José Mondou, là, à TV, qui vous annonce des affaires, des produits comme ça. Vous allez avoir des beaux abdominaux. J'essaie de faire un jeu de moi qui est Abmondou. Ok. Abmondomino. Abmondomino. Moi, je suis sceptique. C'est pas sûr, hein? Une fois écrit, je suis sûr que ça va être beau. C'est bon, je te donne ce devoir-là la semaine prochaine. Fais ça. Parfait. Donc, fait intéressant, c'est pas juste abdominaux, en fait, que le mythe du maigrir localement peut s'appliquer. Il y a les fessiers, il y a les hanches, il y a les cuisses, il y a les triceps. Je parlais tantôt le petit bye-bye en dessous des bras. Ce sont tous des lieux réputés pour stocker beaucoup de graisse. Je vous apprends rien encore là. En fait, c'est juste, je dis ça, c'est juste le fun parce que c'est rare que ce soit les mollets ou les avant-bras que les gens disent, genre, je vais les entraîner compulsivement pour maigrir là. C'est très rare. Petite pensée de même. Donc, ça revient à se questionner justement, est-ce que maigrir localement est une chose physiologiquement possible? Donc, la réponse, habituellement, on se dit, ah non, ce n'est pas possible, il faut blablabla. Oui, ça se peut. Oui, ça se peut de maigrir localement. Mais il y a un gros, justement, il y a un gros mais que je vais vous dire après. Mais oui, ça se peut maigrir localement et je vais vous dire le pourquoi. En fait, il y a deux effets de l'exercice qui sont combinés et qui permettent ça. Premier effet, c'est que quand on fait une activité physique, on sollicite certains muscles, il y a un afflux sanguin, une perfusion sanguine accrue dans le muscle. Donc, plus de sang qui irrigue le muscle, il y a plus de sang qui se rend au muscle. Deuxième effet, quand on fait l'exercice, peu importe l'exercice qu'on fait, il y a une mise en circulation dans le sang d'hormones qu'on appelle la noradrénaline, l'adrénaline et compagnie, qui sont des hormones, en fait, c'est le système nerveux sympathique, qui sont des hormones qui causent la lipolyse. Qu'est-ce que la lipolyse? C'est la fonte des graisses. Donc là, on fait 1+2, on fait l'adéquation des deux. S'il y a plus de sang qui se rend aux muscles et à la région, en général, qui est sollicité, donc mettons les abdominaux, on fait des redressements à situation compulsive, et qu'il y a justement les hormones dont je parlais qui s'en vont dans le sang, eh bien, au niveau de justement des tissus qui vont être ciblés, ils vont avoir plus de ces hormones-là et ils vont effectivement avoir une plus grande lipolyse dans ces tissus-là. C'est ce que j'ai lu dans une étude qui portait là-dessus d'ailleurs. Et en fait, c'est que les muscles, les tissus qui sont près des muscles vont recevoir ça, ils vont avoir une plus grande lipolyse. C'est un fait, c'est réel. Quand on fait des abdominaux, on maigrit dans un sens localement, dans le sens qu'on brûle plus de graisse de cette région-là. Par contre, premièrement, il y a trois gros mais. Le premier, c'est que c'est une différence, mais une différence qui est minime. On va en brûler un petit peu plus, mais c'est minime. Ça paraîtra pas tant que ça. Et voilà, ça sera pas des résultats catastrophiques, mirobolants, etc. Vous allez pas faire un avant-après avec ça. Non, loin de là. Vous allez pas faire d'avant-après, probablement pour la deuxième raison, c'est que quand on parle de perte de poids, là, on parle pas de perte de poids localisée, on parle de perte de poids. En fait, il faut créer un déficit calorique pour le corps en général. Mmh. Ça revient tout le temps une question de calories. C'est plate à dire, mais c'est tout le temps une question d'apport versus de dépense. Oui, le modèle est infiniment complexe. J'ai lu d'ailleurs un papier récemment d'un chercheur qui disait que si on devait classer sur une échelle de 1 à 100 certaines maladies, on mettrait le cancer à 15, on mettrait l'hypertension à 2, on mettrait probablement l'obésité à quelque part entre 90 et 100, tellement qu'il y a de raisons et de choses sous-jacentes derrière ça qui peuvent expliquer ça. C'est un problème qui est mal compris encore. Mais simplement, ça pour vous dire dans le fond que pour maigrir, il faut créer un déficit calorique. Et pour créer un déficit calorique, il faut mobiliser beaucoup d'énergie. Et veux pas, il n'y a aucun exercice d'abdominaux qui mobilise autant d'énergie que ça. T'sais, pensez, faites des redressements assis versus courir 30 minutes de temps. En courant 30 minutes de temps, vous allez brûler bien plus d'énergie. Ah oui, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Donc ça revient juste à se dire ça que oui, physiologiquement, il se passe de quoi que effectivement, vous brûlez plus de graisse au niveau local. Mais ça veut rien dire, ça ne sert absolument à rien dans le sens que vous n'avez jamais créé assez de déficit calorique pour compenser, même que vous allez probablement engraisser. Et en engraissant, l'énergie qui va être stockée en surplus va se transformer en graisse. Où va-t-elle aller se stocker? Probablement au niveau des abdominaux qui est une région très très propice à cela. Donc dans le fond, vous allez vous courir après quelque chose que vous n'atteindrez jamais. Fait que ça sert à rien de faire des abdos si on ne court pas après ou avant. Effectivement. Ou d'ailleurs, en fait, les abdominaux, à la base, ça sert pas à grand-chose. je pourrais embarquer dans ce sujet-là, c'est un autre sujet en soi. Tu vois, c'est ce que j'avais retenu, c'est s'entraîner, ça sert à rien. C'est ce que j'ai retenu de ça. Entraîner ses abdominaux. S'entraîner en général. C'est pas ce que j'ai entendu. Ah, ok, on entend bien ce qu'on veut. surtout quand on s'appelle Mathieu. Mathieu Plante. Mathieu Plante, effectivement. Donc, tout ça, tout simplement pour dire que dans le fond, si vous voulez maigrir, visez le déficit calorique de façon globale et non les setups. En plus, quand on fait des setups, on peut créer justement, vous parliez des index tantôt, l'index à Mathieu, déséquilibré. Vous pouvez faire la même affaire en faisant juste des abdominaux, vous allez avoir créé un beau déséquilibre et vous allez probablement vous faire une hernie discale ou vous blesser d'une manière ou d'une autre en faisant ça. Oui, parce que t'entraînes juste un côté finalement. Et voilà, il faut que tu fasses tout le tour du tronc, le corps. Prenez votre bicep et votre tricep. Oh, le corps, j'aime ça. quelle culture. Prenez le bicep et le tricep. Si vous voulez entraîner juste le bicep, là, vous allez avoir une grosse bosse en avant. En arrière. Vous allez comme avoir les bras légèrement courbés de même. Parce que vos biceps vont tellement être forts disproportionnellement à vos triceps que vous allez avoir le coude tout le temps fléchi. Parce que ça tire juste d'un bord. Et voilà, parce que ça tire juste d'un bord. Hier, il y avait, à mon étrange dépendance, on parle tout le temps de ça, il y avait un gars, que c'était la finale de la saison, et puis le gars, lui, il fait du vélo 7 heures ou 8 heures par jour. Oui, j'ai vu ça. C'est sa deuxième job, genre, quasiment, faire du vélo, puis il travaille sur son vélo, puis il regarde la télé, puis il va sur son ordi à vélo. Puis quand il marche, là, il y a les jambes comme ceux des cowboys qui font le cheval. Ouais, grenouille. Il y a un beau varus dedans. C'est dégueulasse. Puis là, le docteur, il dit, il faut que tu arrêtes parce que t'as de l'ostéoarthrite ou je sais pas quoi dans tes jointures. Ah, mais là, non. Ou sinon, genre, je peux-tu me faire changer les hanches? Parce qu'il va se faire changer les hanches, genre en métal, peut-être. Mais s'il fait ça, il va falloir qu'il arrête de faire du vélo pendant 3 mois. Ça serait une belle étude de cas. Surtout le cycliste comme tel. Vous parlez ici, un cycliste parle en ce moment compulsif. Donc, je pourrais vraiment faire une belle étude de cas. Ouais. Autre chronique. Deuxième sujet auquel on s'attaque, la détoxification. Se détoxifier l'organisme. Probablement que vous en avez amplement entendu parler. C'est la mode dans les dernières années. Donc ici, je cite, j'ai fait une petite composition qui est un ramassis de plein de sources, mais qui ensemble donne une belle somme. Donc, nettoyer votre système encombré de toxines, ces déchets qui s'accumulent dans vos organes et qui vous rendent ballonné et fatigué, qui vous empêchent d'assimiler les nutriments et qui haussent dramatiquement le taux d'acidité du corps, rendant ses défenses inefficaces. Donc, dans le fond, la solution, faites une vidange d'huile. C'est exactement ça qu'ils nous disent après, mon Dieu, j'ai un petit taxi que j'ai emmené, voilà, juste ici, qui nous dit exactement ça. Mon Dieu, je vais le retrouver. Pourquoi on ne ferait pas rendu au printemps comme une vidange d'huile? Donc, je l'ai ici. On fait la vidange d'huile sur notre automobile, on fait le ménage du printemps dans notre maison. Pourquoi ne s'occuperait-on pas de notre corps qui nous suivra toute notre vie? Oh. Et cette même personne poursuit par la suite. Le corps se détoxifie chaque jour naturellement. Bon, ça, c'est un fait. Mais certains signes peuvent montrer que le corps ne fonctionne pas bien et qu'il a besoin d'aide pour être détoxifié. L'acné, les allergies, l'insomnie, les maux de tête, l'anxiété, la dépression, les douleurs, les tensions musculaires, donc tout ce qui cloche ou à peu près tout, en fait, tout simplement. Ouais. Donc, en fin d'hiver, beaucoup plus de gens meurent. Le sang est figé et au changement de saison, il a besoin d'être éclairci et d'être rééquilibré. Les organes ont aussi besoin de repos. C'est un tissu de n'importe quoi. C'est prendre des symptômes très volatiles et très indéfinis et mettre tout sur le dos de et des symptômes que la plupart des gens ont. Tension musculaire, si vous êtes stressé un peu, comme dans la vie de tous les jours, vous ne voulez pas qu'à l'université, il y a quand même beaucoup de stress, le monde qui a des maux de dos, c'est sûr et certain. Ça fait partie malheureusement de notre rythme de vie moderne. Oui. Donc, c'est un fait, en fait. Donc, en fait, ça remonte à loin, ça. On peut remonter ça même jusqu'à l'Antiquité avec Hippocrate, le père des médecins, si vous ne le connaissiez pas. Et ses humeurs, vous savez, on dit d'être d'humeur sanguine, d'humeur bileuse, d'humeur blablabla. Mm. Ça date de là. Lui, c'était comme ça qu'il expliquait la médecine et les déséquilibres. Donc, encore là, un peu dans l'esprit d'étoxification. Les cures par santé thermale. Si vous connaissez vos classiques, probablement que vous connaissez Astérix et le bouclier Arverne, je ne me trompe pas, dans lequel le chef Abra Raccourci, là, je vois des yeux, dans lequel le chef Abra Raccourci va faire une cure de détoxification dans une station thermale, en fait, où il y a de l'eau naturelle et tout et tout. Donc, une cure par santé thermale, dans un spa, en fait. Donc, en fait, spa, ça veut dire sanitas per aquam, la santé par l'eau. Et voilà, ça veut vrai. Ça veut vraiment dire ça. Et c'est encore là, ça date de très longtemps. C'est dans des, c'est dans la psyché collective, si on veut, depuis très longtemps. Ce qui ne veut pas dire que c'est complètement vrai, en fait. Il faut quand même relativiser, nuancer la chose. C'est juste que quand le marketing flaire la bonne affaire, ben là, ça amène à des très grosses dérives. Pensez à l'alimentation vivante. Donc ça, c'est tout simplement mieux manger ou manger plus de fruits et légumes, l'alimentation vivante. On vous vend des smoothies puis des shakes qui durent, qui coûtent ultra cher pour absolument aucune raison. C'est juste. Ça sent bon dans la bouche. Et voilà, c'est parce que ils vous détoxifient. Il faut vous détoxifier le corps, voyons. C'est beau. Et voilà, c'est orange et des tout. Des couleurs. Là, ils disent que c'est fait avec des haricots de pinto. C'est quoi, petit capote, là. Des cures de détoxification à base de chimie naturelle. Qu'est-ce que la chimie naturelle? Si un auditeur le sait, qu'il nous appelle. Okay. Ça me fait plaisir de l'entendre. Des laxatifs, bien sûr, classiques. Oui. Des thérapies par sudation. Là, ici, j'aimerais ça citer un cas qui a fait grand cas dans les médias. Chantal Lavigne, décédée en juillet 2011 à Durham Sud, centre du Québec. Une expérience de sudation par enveloppement corporel. Ça, c'est suer en s'emballant. Ouais, qui consistait à s'enduire de boue et de pellicules plastiques avant de s'encaisser dans du carton pendant 9 heures de temps. Dans une température de canicule, probablement. Donc, le coroner a dit, suite à ça, qu'elle était morte cuite. Ben, voyons donc! C'est pas humain, ça! C'est pas humain, mais faut croire qu'il y avait quelqu'un derrière ça qui a vendu l'idée de « détoxifie-toi l'esprit, purifie-toi l'âme et fais toutes les conneries que je fais ». En fait, ce que je veux illustrer là-dedans, c'est un cas qui est très triste et qui est anecdotique, par contre. Mais c'est tout simplement vous dire que ça peut mener, effectivement, à des pratiques assez risquées. Prenez du monde qui sont influençables, du monde qui sont... qui n'ont pas les connaissances nécessaires pour être critiques par rapport à ça, ce qui est le cas de beaucoup de gens pareils. Ils se font embarquer dans des choses de même. Mais c'était un genre de sexe, ça? En fait, je voulais dire quelqu'un qui est facilement influençable, genre quelqu'un qui serait dans une secte, mettons. Je pense que c'était un genre de secte. Je n'ai pas fouillé assez la chose. Si je me souviens bien de mémoire, par contre, je pense que c'était un cours qui était offert, genre un cours de un peu New Age, etc., etc. Mais de là à dire que c'était une secte, effectivement, probablement que ça fonctionnait comme une secte, il y avait un gourou qui était l'enseignant et qui... Mais tu as juste changé le nom. Oui, voilà. Il y a plus d'organisations sectaires qu'on pourrait le penser, même s'ils ne sont pas officiellement des sectes. D'ailleurs, qui se proclame être une secte? Venez dans ma secte! Donc, ça peut mener à des pratiques sportives également qui sont très dangereuses. Donc, peut-être que vous connaissez ça, le yoga show. En soi, ce n'est pas dangereux, sauf que, encore là, ça peut mener à des dérives, dépendamment de comment c'est enseigné. Essayer de te tenir sur une jambe après avoir bu, c'est ça? Yoga show, c'est on te met dans un spa puis on te fait faire du yoga. OK. C'est à peu près ça. Un spa, en tout cas, une pièce très, très, très chauffée. Un sauna? Ouais, genre sauna, ouais. Plus sauna que spa, effectivement. L'entraînement à jeun le matin également, là encore là il y a des nuances à apporter, mais ça peut aller de façon très très très très pointue là-dedans. L'entraînement en ambiance chaude, comme on disait avec le sauna. Donc en fait, l'effet derrière ça, c'est que le corps, il est pourvu en multiples mécanismes et organes qui effectivement lui permettent d'évacuer les substances potentiellement nuisibles qu'on devrait appeler des substances toxiques et non des toxines pour des raisons de rectitude, mais bon, peu importe, qui permettent d'évacuer les toxines. Ces organes là c'est des poumons, c'est les poumons, c'est les reins, c'est le foie. Ce sont des organes qui sont tout à fait présents, qui font leur job au quotidien. Et non, ils n'ont pas besoin d'aide. On dit votre corps est surchargé de toxines, vous devriez faire une cure spéciale pour le vider parce que le corps ne peut plus assumer sa charge de travail. S'il ne pouvait pas assumer sa charge de travail, le corps, vous seriez mort. On serait tous morts. Ça ne prendrait pas de temps. On mangeait de la tourtière au souper de fin d'année du jour de l'an. Puis on serait tous morts après. Parce que notre corps serait surchargé de... Mais ça se tient pas. Non. Ça se tient pas. Effectivement, le corps peut avoir des substances toxiques à l'intérieur de lui. Prenez du cadmium, du plomb, etc., etc. Sauf que ce ne sont pas des substances qu'on retrouve dans notre alimentation. Ce sont des cas très, très précis et très, très ciblés. Encore mon étrange dépendance qui mange des pneus puis des du papier collant, c'est ça. Du comète. on fréquente pas les mêmes sites, hein? Non, mais c'est vrai, c'est bon, Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière la détoxification, c'est qu'il y a un effet placebo, tout simplement. Ouais. C'est qu'on suit sur des sensations. Comme je disais tantôt, on prend des symptômes très, très larges et très, très volatiles et on met une prescription là-dessus et voilà. Donc, tout simplement pour dire que si on se met à bien manger, on fait attention à ses habitudes de vie, on fait de l'activité physique, on se reprend en main, dans le fond, parce que souvent, c'est ça, la détoxification. On se reprend en main, on se rééquilibre, on se recentre sur soi-même. En fait, c'est ça. C'est un effet placebo. Donc, arrêtez de vous faire bourrer avec la détoxification. Votre corps se détoxifie par lui-même. Par contre, si vous voulez vous sentir mieux, si vous voulez vous sentir mieux dans votre corps, si vous voulez vous sentir mieux dans votre enveloppe corporelle, ben prenez-vous en main puis visez des objectifs santé. Ça revient à dire ça. Donc, c'est psychologique. Si on est bien dans notre tête, on va être bien dans notre corps. Et voilà, c'est tout simplement psychologique. Donc, ce que je veux dire aux gens, c'est que, dans le fond, c'est méfiez-vous de vous-même parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment les compagnies qui vont vous vendre ça, le marketing derrière ça, c'est qu'ils vont se fier sur le fait que vous êtes comme probablement comme toute la population qui vivez une vie de malade mental, qui a passé de 24 heures dans une journée, tout le temps sollicité, tout le temps hyper connecté, tout le temps dans le flow, tout le temps avec votre téléphone intelligent dans les mains, simplement pour dire que, ben, en bout de ligne, ça revient à recentrez-vous sur vous-même et prenez le temps de prendre soin de vous-même et arrêtez de vous faire bourrer avec les supposées détoxifications. Donc, fermez Facebook, allez prendre une marche dans la forêt, puis ça va faire du bien. Et voilà. C'est le meilleur à faire. Et voilà. Et effectivement, tu pourrais lancer ta propre compagnie de détoxification. et voilà, je pars ma secte. Elle part sa secte. C'est dit, c'est annoncé primeur ce matin. Donc, troisième et dernier sujet, les suppléments alimentaires. Ça, c'est un classique. On connaît tous des gens qui... Les shakes, pas nécessairement les shakes. Moi, c'est surtout les pilules, en fait. Okay. Et on se rend en pharmacie, on s'achète un gros boc de pilules de oméga 3 ou de calcium, de multivitamines, de fer. Adrien Gagnon, et voilà, de l'histine ou de... Peu importe, il y en a tellement. Ça en est hallucinant. Puis il y a des choses qui, justement, là-dedans, c'est un peu ce que je vais vous dire, mais qui n'ont aucun fondement physiologique et qui n'ont rien, aucune science qui appuie ça, en plus. Ça fait que les gens en veulent, donc ils en produisent. Effectivement. C'est le principe de la pilule. Là. On se prend une pilule, on se sent mieux. Là. Je vais y revenir dans quelques instants. Donc, en fait, c'est se popper une pilule une fois de temps à autre à titre préventif dans l'espoir de renforcer son système immunitaire, d'éliminer la fatigue, améliorer la concentration, faciliter la perte de poids ou corriger une carence nutritionnelle, une supposée carence nutritionnelle, parce que le plupart du temps, c'est bien rare que les gens vont aller consulter un nutritionniste pour se faire dire que, bon, je fais votre bilan alimentaire puis je vois que vous avez possiblement telle carence. C'est très rare que les gens font ça. Ils supposent quelque chose, ils font le lien entre « je suis fatigué, je prends une pilule ». Ouais. Qu'est-ce que je peux prendre comme pilule qui est facilement accessible? Ben, je prends des multivitamines. C'est facile. Effectivement, je n'ai pas besoin de vous dire que derrière ça, il y a plusieurs risques. Je vais revenir dans quelques secondes. Il y a plusieurs choses qui peuvent tourner au vinaigre dans la chose. Il y a également le contexte des maladies graves, de certaines personnes qui, aux prises avec des maladies graves, que ce soit la sclérose en plaques, que ce soit le cancer, que ce soit peu importe, vont se suppléer avec la médication, dans le fond. Ils vont se prendre des pilules, ils vont se faire de l'automédication, ils vont dire oh, j'ai lu telle affaire sur Internet ou telle chose, puis telle pilule, puis j'aime me sentir mieux. En gros, quand je disais pensée magique comme titre de chronique, c'est vraiment ça. On fait un exercice de pensée magique. Donc, le fait intéressant, c'est que les consommateurs de tout ça, c'est tout le temps deux extrêmes. On a, d'un côté, les gens soucieux de leur santé, qui sont très zélés, qui sont très je veux être encore plus santé, je fais beaucoup de sport et je veux mieux performer et tout. Puis t'as l'autre côté, l'autre extrême complètement, c'est les fatigués. Je veux rien faire. Je suis fatigué, mais je veux pas m'entraîner. Pour paraphraser quelque chose que j'ai lu, c'est le père de trois enfants dans les mariages différents qui habite dans un demi-sous-sol, que son voisin l'empêche de dormir avec sa musique trop forte, qui est dans un processus de divorce. Bref, que la vie, que trois jobs, peu importe, mettez-en, là, tout simplement pour dire que sa vie, c'est... Ça va pas bien, voilà, ouais. Il est fatigué. Ouais. Normal, on serait tous fatigués. Dans c'est ça. Voilà, donc lui, il vient te voir, puis donne-moi des multivitamines, ça me fait pas de mal, et... Ça peut potentiellement te faire du mal, voilà, c'est ce que ça veut dire dans le fond, mais c'est pas supposé en faire le mal si tu la prends correctement. Effectivement, si tu te la fais prescrire, aussi. C'est là le mot magique, ça passe par une prescription par des professionnels de la santé qui sont avisés là-dessus. Donc, en fait, ça peut aller mal pour plein de raisons. Une de ces raisons-là, c'est les doses maximales. Veux pas, sont très faciles à dépasser, dépendamment, mettons, on prend les multivitamines et tout. Il y a certaines vitamines qui sont liposolubles, qui sont stockées dans les graisses, il y en a d'autres qui sont hydrosolubles, qui vont être évacuées dans l'eau. Dans l'urine, en fait, mais tout simplement pour dire que des fois, quand on prend, mettons, des mégadoses de vitamine C, ben, on peut s'intoxiquer, on peut carrément s'empoisonner avec la vitamine C. Donc, à cause des dites pilules. Mais donc, j'imagine surtout si déjà tu consommes beaucoup de vitamine C dans ta vie tous les jours, puis en plus, tu vas prendre des suppléments et que tu n'es pas au courant déjà de ce que tu consommes. Dans l'alimentation en général, je pense pas qu'à moins qu'on soit un mangeur d'orange compulsif, qu'on peut vraiment dépasser le 2000 mg par jour de maximum toléré. C'est beaucoup. De vitamine C, c'est beaucoup, effectivement, okay. C'est énorme. Mais tout simplement pour dire que, effectivement, que si on prend des pilules en plus de ça, qui sont concentrés là-dedans, on court après le trouble, puis pas à peu près. Là. C'est vrai dans tout, en fait. On peut également créer, puis ça, c'est très ironique, on peut également créer d'autres carences. Si on se supplémente avec, mettons, je sais pas moi, du calcium, ben, on va peut-être nuire à l'absorption du fer ou d'autres composés, de d'autres nutriments, micronutriments. parallèle au fer. Donc, on peut créer des carences en essayant d'en corriger de supposées carences. Donc, encore là, ça peut être très, très dommageable. L'interaction médicamenteuse, je prends l'exemple de l'oméga-3. Si on prend des doses massives d'oméga-3, c'est que, dans le fond, on trouve beaucoup dans le poisson, ouais, et tout, ouais, prendre des petites gélules avec justement de l'huile d'oméga-3. Et on peut nuire à la coagulation de notre sang si on prend trop d'oméga-3. Ah, donc, ouais, notre sang ne coagulera plus parce qu'on va être comme trop d'oméga-3 dans notre système. En plus, il y en a d'ajouter dans les œufs souvent. Donc, il y a plusieurs aliments qui ont... En fait, dans notre alimentation normale, surtout dans l'alimentation normale nord-américaine, notre consommation d'oméga-3 est souvent déficitaire. Par contre, quand on tombe dans l'idée de je prendre des pilules pour combler ce déficit-là, puis surtout si on ne suit pas les prescriptions et tout, ben là, on peut encore là nuire à la chose. Mm. Ça peut aller très, très loin de ça. C'est également l'efficacité. En fait, c'est que la plupart des produits sont vendus sur la base de témoignages et non d'études probantes. Tu sais, on s'imagine que, bon, si le produit a été approuvé par Santé Canada ou s'il y a une marque de Santé Canada ou si le produit est sur une tablette, ben, il doit être bon pour la santé, il a dû être approuvé, il a dû être étudié. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, c'est simplement fondé sur des témoignages ou des petites études bidons ou peu importe. Simplement pour dire que des fois, Santé Canada ne fait pas bien sa job. Des fois, ce sont des produits qui sont en attente d'une reconnaissance d'eux, mais qui ne le sont pas. C'est également quand on s'attarde justement aux dites études. J'ai fait un petit pommel là-dessus. Je me suis un peu vérifié la littérature. Puis, les résultats sur les multivitamines sont excessivement mitigés. Si on prend des méthodes, donc des analyses de grandes populations, de milliers et de milliers d'individus, puis on essaie de justement voir l'effet des multivitamines là-dessus. Premièrement, faire une telle étude comme ça, vous imaginez, du point de vue méthodologique, c'est très difficile. Il faut tout éliminer ou essayer de tasser tous les autres critères qui pourraient influencer avec la mortalité ou avec ce qu'on veut étudier comme critère, les cancers et tout. Ce sont des choses, comme je l'ai dit, qu'on ne connaissait pas très, très bien encore. On essaie de tout tasser ça statistiquement pour juste faire ressortir l'effet multivitamine. C'est quelque chose qui m'a... Je sais que les statistiques peuvent aller très, très loin, puis la science est très bien pourvue en experts capables de faire ça puis de traiter ça. Sauf que, veux, veux pas, ça a des limites, ça. Surtout les résultats des études, veux, veux pas, ce sont des moyennes sur des milliers d'individus, sauf que, encore, les interactions individuelles et les cas individuels sont tassés puis sont mis sous silence dans tout ça. Donc, les études, encore là, sont, comme je disais, sont très, très mitigées. Puis quand on regarde ce qu'elles donnent en plus, ces études, c'est qu'on se rend compte qu'au niveau de la mortalité, au niveau du cancer, au niveau de plein de choses, des fois, on va trouver que chez les vieilles personnes, ça va réduire le risque de cancer. Oh, par contre, chez les populations jeunes, ça va augmenter le risque de cancer. Oh, par contre, on se rend compte que les suppléments de calcium réduisent l'espérance de vie. Oh, on se rend compte que si. Oh, on se rend compte que ça. C'est quand ça va dans tous les sens. Donc, c'est loin d'être l'équation simple de je prends une multivitamine, je vais être en meilleure santé. Ce n'est probablement que ce n'est pas vrai dans tous les cas. Mm-hmm. Encore là, c'est le cas de voir est-ce que les gens en ont vraiment besoin. Ça revient à se poser la question, c'est la question de l'artificiel versus le naturel. Tu sais, quand on isole un composé, veut pas, c'est un composé qui est artificiel, qui n'est pas comme dans les aliments, avec d'autres micronutriments et macronutriments en interaction. Donc c'est le principe de la pomme. Tu sais, dans la pomme, il y a des fibres, il y a du sucre, il y a une tonne de vitamines, un cocktail de vitamines. Tout ça ensemble fait que ça va peut-être être mieux absorbé que si je découpe tout, puis que je mets ça dans des pilules, puis que je donne ça à personne. Il n'y a pas d'interaction. Donc, encore là, ça vient à dire que, mon Dieu, mangez juste plus de fruits et légumes, mangez juste mieux, vous allez aller chercher ce que vous voulez probablement aller chercher dans vos pilules. Ça revient, dans le fond, à dire tout cela. Puis, finalement, c'est que ça fait un peu l'effet que j'aime bien appeler l'effet « je suis invincible ». C'est quoi l'effet « je suis invincible » C'est que je prends des pilules et ça me... je change mon comportement par rapport à ça. Donc, je prends des pilules, puis je me désensibilise à ma santé, je me désensibilise à ce que je fais au quotidien, à mon entraînement et tout, parce que je me donne bonne conscience en me popant une pilule une fois de temps à autre. Ça revient un peu à ça. En fait, c'est l'effet un peu équipement de protection. Tu sais, je me mets un casque sur la tête, je suis invincible. Non. C'est pas vrai, là. Non. Tu mets un casque sur la tête, tu peux tout aussi bien faire une commotion cérébrale. Autant faire attention effectivement, avec que effectivement, casque. On pourrait argumenter longtemps sur justement l'effet, l'apport réel de ces mesures de protection-là. Ça reste que veut pas, ça peut, chez les gens, les désensibiliser, les conforter dans leur certitude. Mm-hmm. Ah, on retient tout ça et on fait attention, on se renseigne. Et voilà, on se renseigne. En fait, c'est tout le temps ça, le nerf de la guerre. Exactement, c'est la morale de la chose. Maxime Bilodeau, merci. Ça fait plaisir, monsieur et madame. Ouais. Et on mange des fruits. On mange des fruits et on bouge. Du fast food comme c'est ton chandail, mais c'est des légumes qui courent. Des légumes qui courent, ben oui. Oh, j'adore ton chandail. Bon, ben, je transmettrai les compliments à ma copine qui me l'a acheté. Ah, c'est parfait. Tu peux te prendre une photo de ton chandail? Ben, vas-y, fort. Donc, à la semaine prochaine, jeudi, à 7h30. Sans faute. On termine ici la première heure. On se dépêche parce qu'on a une deuxième heure assez chargée tantôt. On va avoir plein de choses à faire avec vous, là. On a, ouais. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Excuse-moi. J'avais pas passé la mauvaise affaire. C'est drôle, ça, très drôle. Donc, tout à l'heure, les élections de la GAQT avec Roxane Dulon, candidate à la vice-présidence aux communications, c'est ça. Ensuite, Angie Durocher avec son index, Jasmine Raymond-Drainville avec la collègue de la GAQT et François Landry avec la politique. Tout ça d'ici les 50 prochaines minutes. Bonne On chance. On va mettre ça dans le blender puis ils vont tous parler en même temps. Oui, comme du fast-food, des carottes. Oui. Jus de carottes. Au retour. C'est fou de musique à découvrir. Moi, je m'appelle Mirabé, on 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. La deuxième heure d'assemblage requis en ce. Quelle date est... sur mon ordinateur? Ça dit qu'on est le dimanche 31 décembre on à 19h27. Le 21 mars 2013. Je te fais plus confiance à toi en ce moment. Merci. C'est la deuxième heure donc, d'assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On a plein de chroniqueurs qui s'en viennent tantôt, entre autres Angélie Durocher, sa collègue l'index, et François Landry avec Logocratie 101. Mais pour l'instant, on continue notre série sur les élections de la GAQTR. On fait ça toute cette semaine et on termine lundi. Mais aujourd'hui, on reçoit Roxane Dulon, candidate à la vice-présidence aux communications. Bon matin. Bon matin. Ça va bien? Mais oui, vous? Très bien. Oui. Merci d'être avec nous. Hier, on a reçu ton adversaire jusqu'à la mort, Alex Brisebois-Proulx. Mm-hmm. Et donc, c'est ton tour maintenant. On va faire ça à tour de rôle, Stéphanie et moi. Je commence avec la première question qu'on pose à tout le monde. Quel est ton domaine d'études et depuis combien de temps? Oui, donc moi en ce moment, je suis à la maîtrise en ergothérapie. Ça fait 4 ans que j'étudie en ergothérapie à l'UQTR. Je vais finir ma maîtrise au mois d'août, puis l'an prochain, je vais être étudiante libre. Je vais prendre des cours plus en lien avec les arts. Parfait. Oh, un petit changement de... Quand même. Oui, c'est cool. Pouvez-vous nous faire une brève description du poste pour lequel vous vous présentez? Oui, donc moi, c'est le poste de vice-présidence aux communications. Donc, je sais que c'est un poste qui a été quand même assez mitigé. À un moment donné, ça avait été parlé de l'abolir. Mm-hmm. Par contre, moi, je considère que c'est un poste qui est vraiment très important parce que c'est tout ce qui a trait à la communication entre la GE et les membres de l'association, que ça soit au niveau des services que offre la GE, des événements qui sont organisés, de tout ce qui est politique, des instances. C'est aussi la personne qui est en charge plus de l'image, donc avec la distribution d'objets promotionnels. Puis c'est aussi quelqu'un qui va vraiment beaucoup aider les autres officiers et les étudiants et les associations étudiantes pour la promotion d'événements et de projets. Mmh. Quelles sont tes expériences pertinentes pour le poste qu'on voit? Oui, donc moi, ça fait à peu près 2 ans que je m'implique vraiment plus dans mon association étudiante en ergothérapie. L'an dernier, j'étais vice-présidente aux affaires internes et j'ai siégé sur le conseil d'administration de la GE pendant 1 an. Pendant cette période-là aussi, j'ai été sur le comité de communication pendant le temps que c'était Malik Diane qui était au poste de communication à la GE. Ensuite, depuis 1 an, je suis présidente de mon association en ergothérapie et on a reçu les Jeux Ergophysio en février dernier et c'est moi qui ai été en charge vraiment des communications, donc c'est moi qui me suis occupée de trouver le graphiste pour le logo, de faire les updates sur le site internet, la page Facebook, puis aussi j'ai créé 2 vidéos promotionnelles pour cet événement-là. Super. Mmh. Et quels sont vos projets importants si vous êtes élue? Je sais qu'il y a beaucoup d'autres candidats qui en ont parlé. Mais c'est vrai que c'est vraiment un problème en ce moment, le fait que la GE est peu connue par les étudiants. Les gens se sentent pas concernés. Donc, c'est sûr que tous mes projets vont aller vraiment dans le sens d'informer les étudiants, de les amener à se sentir plus concernés par la GE UQTR. Donc, les moyens que je compte mettre de l'avant pour utiliser... Voyons. Désolée, j'ai perdu mes écouteurs. Donc, les projets que je pense avoir en lien avec ça, c'est vraiment de regarder tous les moyens de communication dont dispose la GE. Et devoir aller varier le plus possible pour rejoindre un maximum d'étudiants. Donc, que ce soit le site Internet, que ce soit des partenariats avec le groupe des médias étudiants, donc Zone Campus et C'est Fou. Aussi, l'affichage sur les babillards, les médias sociaux. Aussi, j'ai un projet de mettre à l'avant des capsules vidéo Il y a la Fédération étudiante des étudiants... Ben non, attendez. La Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke, la FIRST, qui fait des capsules vidéo pour informer un peu des assemblées générales, des événements. Je trouve que c'est vraiment un beau projet, donc je vais tenter un peu le terrain, puis s'il y a de l'intérêt, j'aimerais vraiment ça, faire ce projet-là aussi. Bonne idée. La question que tout le monde craint à chaque fois jusqu'à maintenant, que représente la GEQTR pour toi? La fameuse question. Ben pour moi, la GEQTR, c'est vraiment tout ce qui est en trait avec la défense des droits des étudiants. Donc, c'est vraiment une aide qui est offerte aux étudiants, que ce soit s'il y a des problèmes avec des cours, si c'est pour justement la promotion d'événements. Tout ce qui peut avoir une influence sur la vie étudiante, la GE est vraiment là pour aider. C'est aussi ce qui va faire la promotion justement des événements, des projets des étudiants et des associations étudiantes. Puis c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'enrichir tout le parcours universitaire des étudiants, la GEQTR pour moi. Et quels sont les enjeux importants de la GEQTR en général pour l'année à venir? Bien, comme j'en ai parlé un petit peu, moi, je pense que c'est vraiment le manque de connaissances des gens envers la GE. Les gens se sentent pas concernés parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas c'est quoi la GE, ils savent pas c'est quoi les services. Il y a beaucoup d'étudiants qui savent même pas que la chasse-galerie appartient à la GE, donc aux étudiants. Les assemblées générales sont peu fréquentées. Donc, moi, je pense que c'est vraiment ça les enjeux, c'est d'aller chercher les étudiants, de les informer de qu'est-ce que c'est, de quels sont les services offerts, les politiques, puis aussi de vraiment leur faire sentir qu'ils ont un droit, que leur opinion compte, puis qu'ils sont importants parce que la GE, la raison d'être, c'est vraiment les étudiants. Et pour terminer, un dernier mot, pensée, chose à retenir, slogan, phrase de pensée magique. OK. En fait, c'est sûr que moi, aujourd'hui, je suis venue vraiment pour parler de ma candidature, mais je voudrais seulement inviter tous les étudiants à aller voter. C'est sûr que tous les candidats vont essayer de vous vendre leurs idées, mais moi, je vous dis seulement, informez-vous des idées des différents candidats, puis choisissez vraiment la personne qui, selon vous, va vous représenter le mieux, parce que c'est vraiment vous qui allez vivre avec... les officiers qui vont être élus, parce que vous avez vraiment le droit d'avoir une AGE qui vous ressemble. Donc, informez-vous, puis allez voter. C'est bien dit. Merci, Roxane Dulong, candidate à la vice-présidence aux communications. Merci. Bonne journée, bonne chance, bien sûr. On rappelle, ton adversaire, c'est Alex Brisebois-Proux, qu'on a reçu à l'émission d'hier. Les entrevues sont sur notre site assemblagerequis.com. Pour l'instant, il faut télécharger la balado-diffusion complète ou écouter l'émission jusqu'à 8 heures à peu près. Et donc, on a reçu jusqu'à maintenant, quand même, c'était 8 candidats sur 9. On va recevoir lundi Bruno Lemaire Corbeil, qui est le directeur général des élections. Donc, on va lui parler de du fonctionnement du vote. Lundi, on rappelle qu'il y a un débat qui a lieu à la Chasse-Galerie. Donc, on va en parler avec lui lundi matin. Oui, à ne pas manquer, le débat, très important. Exactement. Et évidemment, aussi, dans Zone Campus, sur zonecampus.ca, il y a un texte par rapport aux élections. Oui, aussi, vous pouvez voir le visage des candidats si vous ne les avez pas vus. Et aussi pour voir un peu comment ça se déroule les élections. Attrapez-vous une petite copie du Zone Campus. Il y en a deux en studio, le fait que prenez-en, il y en a partout. Ça traîne partout. Ouais, peut-être qu'il faudrait faire le ménage là-dedans. donc voilà pour ça. Merci encore, Roxane. Et tout à l'heure, on reçoit Agile Durocher avec sa chronique L'Index pour l'instant. On écoute une pièce de Karim Ouellet. Voici Foudre. Là. Je ne sais pas dire je t'aime. Sauf dans mes chansons, car je m'adresse à quelqu'un de générique. Ça ne me fait pas de peine. Tu me donnes tes mains et je t'étrangle avec les miennes. Tu verras peut-être mon nom passer très vite. Musique par Karim Ouellet au générique. Je jette un regard sur ma montre. Les heures qui courent ne sont pas toujours dans mon équipe. Et le temps file comme la foudre qui tombe. En Amérique. Tu veux me prendre par les mains. D'un bout à l'autre du chemin, sous les sapins et les cèdres merveilleux. Je ne sais pas dire je t'aime. Mon petit cœur qui court à en perdre haleine. Ivre de la course, je m'essouffle à peine. Je jette un regard sur ma montre. Les heures qui courent sont pas toujours dans mon équipe. Alors tu comptes les secondes et tu demandes ce que réserve la suite. Tu veux me prendre par les mains. D'un bout à l'autre du chemin, sous les sapins et les cèdres merveilleux, je jette un regard sur ma montre. Les heures qui courent sont pas toujours dans mon équipe, mais le temps file comme la foudre qui tombe. Et le tonnerre qui gronde, et le vent qui souffle, jusqu'à ce que l'on soit tous ensemble. D'un bout à l'autre du chemin, sous les sapins. Karim Ouellet et la pièce Foudre à Assemblage requis au 89 FM. C'est fou. Stéphanie Paradis est toujours là, évidemment. Oui, Mathieu Plante est encore là. Ben, mais hein? C'est toi qui parles. Ben, c'est celui qui vient dire que t'étais là, puis que je suis là, puis que tout le monde se comprend. Donc, c'est ça, Angélie Durocher et François Landry sont en studio. Si jamais ils veulent parler, là, je sais qu'ils sont là, oui, on peut les applaudir. Attends, ouais! Ouais! D'habitude, c'est Jasmine qui aime ça se faire applaudir, mais ah, elle n'est ben pas là. Chou! Chou! Elle n'est pas là, mais on va la remplacer nous-mêmes. Voici la chronique de l'AGEUQTR. AGEUQTR, peu importe ton âge, tu t'en vas à l'AGEUQTR, parce que l'AGEUQTR, ça n'a pas d'âge. Yo! Pro, pro! Et là, Jasmine Raymond Réville est prise dans la neige, ne peut pas sortir de chez elle, donc pour la remplacer, Stéphanie Paradis, ma co-animatrice du jour. Oui! Ça va? Ça va très bien. Oui, t'as reçu un petit texte à lire, je pense. Oui, donc, je vais imiter Jasmine. OK, vas-y. Sois pas méchante. Mais non, mais ma seule imitation, ça va être de prendre une voix de fille. OK, déjà, donc, c'est bien parti. Poppy? Poppy. Merci, c'est gentil. Donc, je, Jasmine, voulais seulement parler de l'Assemblée générale qui aura lieu le mardi 26 mars prochain pour parler des suites du sommet sur l'enseignement supérieur et des positions prises lors du Rassemblement national étudiant des 1er et 2 décembre dernier. Donc, le CA a mandaté l'AG de discuter de ces points. Comme le Rassemblement national étudiant n'est pas une instance officielle, chacune des associations qui y a participé ramène chez elle des positions pour les faire passer dans ses propres instances, pour les adapter à sa réalité et ou pour les modifier. Donc, nous ferons de même à l'AGEUQTR en ramenant certaines positions prises lors du Rassemblement national étudiant et nous les soumettrons à nos membres afin qu'ils choisissent ce qu'ils veulent faire avec. Donc, soit les adopter telles quelles, soit les rejeter, soit les modifier pour les adapter à la réalité de l'UQTR. C'est donc à 19h au 1200 Albert Tessier. Il faut, comme toujours, avoir sa carte étudiante en main. Évidemment. Et c'est donc, on rappelle la date, le 26 mars, c'est mardi. Mardi, 26 mars. March. 26. Prussian. Voilà. Donc, on remercie Stéphanie. On remercie Jasmine Raymond-Réville pour le message. Non. Elle n'est pas là. Je ne parle pas de chou. Sûrement qu'elle nous aurait rappelé, elle aussi, les élections, mais on sait, on vient d'en parler. Donc, on est au courant des élections. Le débat a lieu lundi. Après ça, l'ouverture des votes, c'est lundi. Vous savez ça? Lundi soir à 23h45. Ouais. Et ça se termine jeudi soir à 23h45. Oui. Et les résultats sont annoncés dans la journée de vendredi. T'en plein ça. J'ai tout retenu, moi. Hein? C'est ça? Wow, impressionnant. On dirait que tu t'es informé. On dirait que. Oui, j'espérais vraiment que ce soit ça. T'as. On dirait que tu t'écoutes quand tu parles le matin. Oui. J'écoute moins les autres des fois, ça arrive. Hein? Je prépare des affaires. Donc, tu sais, Anne-Julie Durocher qui vient d'arriver. Oui. Ben, il y a quelques temps quand même, mais oui. L'on t'accueille officiellement. Bon matin. Bon matin, ça va? Ben oui. Ben oui. Est-ce que tu as envie de parler avec ton index? Dessine-lui une bouche. OK. Fais-le parler. OK, François, ton crayon, une bouche. Donne-le un indélébile, ça va être drôle d'avoir un doigt. Bon. Donc, voici l'index d'Anne-Julie. Jusqu'à ce qu'on nous pointe du doigt. Un index qui réveille une toute petite voix. Bon, donc c'est l'index d'Angélie, sa chronique où elle présente quelque chose qui lui est arrivé ou qu'elle a envie de nous discuter, de nous faire part. Ben oui, mais en fait, hier, je cherchais mon sujet de chronique. Je me suis dit, je vais aller voir sur ma page Facebook comme qu'est-ce que j'aime dans la vie. Okay. Ouais. Je viens de dire que si c'est sur Facebook, c'est que c'est vrai. C'est fait vrai que, ça. Donc, je suis allée sur ma page Facebook et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup de pages qui servent absolument à rien dans ma vie. Donc, on a le like facile hein, en 2013. Ouais, vraiment, vraiment. Fait que je vous fais une chronique procrastination 101 avec la fin de session qui s'en vient. Je trouvais que c'était parfait. Oui. C'est comme le contrat des chroniques de Véronique Meyer. Oui. Donc, je suppose avoir un job à temps plein à étudier. De ton bar, c'est on procrastine le plus possible. Mais c'est parce que tu sais, on le sait là, que les étudiants, en fin de session, c'est là qu'il y a le plus de statuts Facebook, de partage d'images. De Facebook chat. Est tellement actif. Donc, tout le monde se cherche des pages à aimer pour comme éviter d'étudier. Donc, moi, je vais vous en proposer quelques-unes ce matin. Donc, la première que je vous propose d'aimer, c'est Ascenseur RC. Oh. Donc, pour Radio-Canada. En fait, la description sur la page, il s'agit de conversations fictives ou pas, entendues dans l'ascenseur de la tour de Radio-Canada en moins de 100 caractères. Je savais pas que s'il y avait du fictif là-dedans. Je pensais que c'était vrai. Je pensais que c'était comme un entendu à Montréal, mais plus spécifique à un ascenseur. Mais c'est de l'inventer aussi. Oui, oui, c'est ça. En fait, là, comme c'est écrit sur leur page Facebook, vous pouvez leur envoyer des propositions de phrases. Donc, pour finir la description, en fait, ils disent assez fort pour Facebook, mais conçu sur Twitter. Fait que je vais aller les suivre sur Twitter parce que je les suis pas ben sur oui, Twitter. Exact. Donc, par exemple, hier, il y avait toute la saga entourant Pierre Lapointe et le Parti libéral qui avait diffusé une de ses chansons pendant la course oui, à la chefferie. Ben oui. Donc, hier, le post Facebook qu'ils ont fait va comme suit. Il y a un boss qui dit « Quelle chanson va jouer à l'arrivée de Couillard sur le plateau de Tout le monde en parle? » Le producteur prendra pas de chance, on va mettre du Rihanna. Ah, elle saura jamais. Donc, c'est la première page que je vous propose, donc Ascenseur ARC. La deuxième page, c'est Petit, petit gamin. La description, je trouvais qu'elle rentrait bien dans le thème de ma chronique. En fait, ils disent « On assume qu'on est la raison principale pour laquelle tu ne fais pas tes devoirs. » Ah! Fait que je trouvais que ça cadrait plutôt bien, mais en effet, là, ils partagent en fait plein de vidéos, de liens vers des sites, là, mettons, les pires photos des années 80, les pires photos avec des chats. En tout cas, il en partage, c'est fou. De l'inutile drôle que t'aimes ça voir, oui, mais que ça te sert absolument à rien. Tout à fait. Donc, je trouvais que c'était parfait pour éviter de faire ses devoirs parce qu'ils ont vraiment une multitude de liens très, très comiques. Donc, je vous encourage à aller perdre votre temps sur cette page Facebook-là. Petit, petit gamin. Oui, je suis déjà en train de m'abonner à tout. Oui, OK, ben, tu fais bien. Puis, ils ont aussi un site Facebook, pas un site Facebook, un site Internet, Petit, petit gamin. Donc, que vous allez retrouver aussi là, un paquet de liens. Donc, si Facebook n'est pas suffisant, allez sur le site Internet. le prochain dont je vous parle, c'est Sexe illégal. Là, ça, c'est un groupe de musique, si c'est en plein ça, groupe de musique. Et oui, bon, ils font bien sûr toute la promotion entourant leur CD, tout ça, leur spectacle. Mais aussi, ils font des statuts Facebook irrévérencieux. en lien avec l'actualité, ils sont vraiment parfait, là. C'est très, très, très, très drôle. Ils en ont fait un dernièrement là, à propos de toute la campagne publicitaire sur l'homosexualité au Québec qu'il a faite. Puis ils ont sorti des phrases justement pour dénoncer un petit peu tout ça, là, disant comme si tu penses que de voir des publicités de personnes qui s'embrassent va faire que ton gars va devenir homosexuel, ben, est-ce qu'il va se prendre pour une pinte de lait s'il voit, genre, une annonce de lait? Le prix minimum requis par la loi. Ouais, c'est ça. T'sais, fait que, en tout cas, c'est tout le temps des affaires beaucoup plus punchées que moi, comment je vous l'ai dit, là, mais allez voir. Puis si vous... Parce que, tu sais, ils en publient peut-être un par jour, mais vous pouvez aller voir comme... L'archive en oui, arrière. C'est ça. Ben oui. Fait que, tu sais, vous prenez un mois, puis vous dites, après ça, je vais commencer à étudier. C'est vraiment merveilleux. Puis Facebook. Le prochain dont je vous parle, c'est Infoman. Ben oui, qui, c'est drôle. Aussi partage des vidéos, des liens, souvent interactifs, des fois des jeux aussi en lien avec l'actualité. Le dernier jeu que j'ai vu passer, c'est celui sur le pape. Okay. Donc, tu conduisais la pape mobile et il fallait que tu sautes par-dessus. C'était quoi? Des hérétiques, des Jéhovah, des musulmans. Mais je me suis même pas rendu au niveau 1. Oh non, il était vraiment il est trop dur, il est très dur. Ben, je suis pas un bon catholique, faut le dire. Hein? Non. Non. Est-ce que je suis un bon catholique dans le studio, je sais pas. Mais tant qu'à suivre Infoman, suivez MC Gilles aussi. Je oui, sais qu'en ah, tant oui, que personne, il oui, y a des gens qui l'aiment pas, mais sur en tant Twitter, que. Sur Twitter, il est très efficace et très. pas méchant, mais légal. Là. Oui, c'est ça. C'est rebelle. C'est bien. J'adore. Ben, je vais ajouter celle-là au nombre de pages de procrastination. Plus, surtout ces hashtags qu'il faut surveiller. Ouais. Okay. Le tweet en tant que tel, il y a 3-4 lettres, mais c'est le hashtag qui en dit long. OK. Bon, je vais regarder ça. Ensuite, bon, bien, c'est sûr, tous les journaux. Et pages de télévision, là, c'est sûr que ça fait toujours bien perdre du temps, mais au moins, comme on apprend. C'est ça, c'est plus instructif, c'est éducationnel. C'est ça. Mais pour moi, c'est vraiment un bon moyen d'aller perdre du temps que d'aller voir qu'est-ce qu'il dit dans l'actualité. Donc, je vous le suggère. Puis, je vous suggérerais aussi deux pages que je préfère ne pas suivre sur Facebook, mais plutôt d'avoir le site internet, donc 9gag et Check Donc Ça, qui se ressemblent beaucoup les deux avec leurs memes de toutes sortes. Là. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, en fait, là, c'est les petits bonhommes souvent ou des images. Des affaires redondantes là, que tout le monde met dans chaque image, mais il y en a des drôles là-dedans, c'est ça, faut dire. C'est ça. Des fois, il y en a des moins drôles, là, faut comme en passer une couple, là, des bitch fois. Please. Ouais. T'es allé dans le voir. C'est ça. Là, cette semaine, j'ai fait mon premier memes à propos des courriels de l'UQTR qui ne fonctionnent jamais. Uh-huh. Tu sais, celui avec la table, là, il renverse la table à l'envers, parce que là, il est comme fâché, là, mais hier, je me sentais comme ça cette semaine à propos du courriel de l'UQTR. Et j'ai fait mon premier, puis je me suis dit, je l'ai fait en anglais. Ben non, mais c'est parce que non, mais c'est que tu sais, il y en a beaucoup, tu sais. Loi 101, ouais, non. Mais je trouve qu'un meme, c'est en anglais, mais j'ai hésité quand je l'ai fait. Fais une petite étoile comme tous les posters de gens qui se font approuver par la GE, tu sais. Ils veulent mettre leur nom en gros en anglais, puis en petit, c'est marqué party, tu sais, fête, fiesta de la. Non. Ouais. J'ai un tout petit. Ouais. Vache, s'il te plaît, au lieu de bitch, please. Donc, je vous suggère vraiment d'aller voir ces pages-là. Vous pouvez aussi les liker sur Facebook. Là, en fait, là, vous allez en voir quand même passer quelques-uns des memes qu'ils font. Mais c'est aussi des fois des petits mots de bonheur, d'encouragement. Puis il y en a tout le temps pendant la fin de session et mi-session qui concerne justement les études. Donc, c'est parfait. Vous allez pouvoir changer vos images, profils et partager ça avec vos amis qui n'étudient pas non plus. Puis, tant qu'à aimer plein de pages sur Facebook, ben, je vais vous suggérer d'aimer la page d'assemblage requis de C'est Fou Zone Campus et de la GEQTR. Oh, quelle bonne idée. C'est bon à voir. Collaboration, fusion, synergie. C'est ça. Ben, vous allez avoir plein d'informations en plus là-dessus. Surtout, je parlais des journaux, hein, puis des médias de communication. C'est ça. On est ça, nous autres. Mais oui, vous êtes ça. Mais puis la GE, ben, c'est plein d'informations qui vous concernent. Tellement. Fait que, allez-y. Merci, Anne-Julie Durocher. Fait que, on fait aller le like aujourd'hui. Oui, le petit doigt en l'air, mais le pouce. Mm. J'ai deux autres suggestions aussi. Il y en a deux que tu n'as pas nommées, que moi, je suis un fan fini de Tita Bougon. Rita Bougon, hein? Les Bougons, c'est la vie, là. C'est tout ça, la vie. C'est toi qui retweet ça, des fois, je pense. Ah, j'adore Tita Bougon parce qu'elle, c'est 50 tweets par jour facile, là, dans sa matinée. c'est vraiment le. Elle est sur le BS. Ah oui, oui elle travaille fort sur Twitter et Facebook. Voilà. Mais elle a l'autorisation, le personnage derrière a l'autorisation de François Havard, de l'auteur, donc le droit d'utiliser légalement le nom de Tita Bougon pour parler au nom de Tita Bougon, de mettre des photos d'elle, des Photoshop, c'est magique. Et l'autre, il y a la paresse, qui c'est une satire de la presse. Ah, non, donc, pour vrai. Dès que la presse sort une, la paresse sort une fausse une, mais des fois, on se confond entre les deux tellement c'est identique, mais c'est juste des fois un mot qui change. Donc, la paresse sur Facebook, c'est encore mieux parce que c'est visuel. Et sur Twitter, c'est juste le titre d'un article qui est pas violé, mais disons... légèrement modifié. Oui, sans consentement. C'est super, je suis ça moi aussi. Colin, on s'en est trouvé des affaires à matin. Oui. On aime ça. Merci François, merci Anne-Julie. Et la chronique L'Index la semaine prochaine, jeudi vers les 8h. Normalement, ça devrait être correct la semaine prochaine. On va remettre tout le monde à l'heure. On synchronise nos mondes. Mais j'ai pu dormir un peu plus ce matin. Ben, tant mieux. Tu savais, hein? Ben oui. Donc, dans quelques minutes, juste après une minuscule pause, Stéphanie, on va recevoir François Landry. Wow! Chronique Couillard et après. Les Couillardises. Ouais, c'est ça. Tita Bougon puis Chose Couillard. Deux noms de famille que... Hein? On est. C'est fou. Les extrêmes, ça nous anime. C'est F O U 89 1. Lundi, à Assemblage requis. Stéphanie Paradis sera encore là avec moi pour la co-animation. On recevra Simon Fitzbeat pour sa chronique musicale Fitzbeat. Alexandra Carignan nous parlera d'art et spectacle dans le temps de culture. Et on recevra le directeur général des élections de la GEQTR, Bruno Le Maire Corbeil. C'est lundi 7h à Assemblage requis. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 9h. Il nous reste encore une vingtaine de minutes à l'émission. Je suis assez de temps, si on se dépêche, pour François Landry et Logocratie 101. Stéphanie Paradis est toujours là? Oui. Anne-Julie Durocher aussi? Mais oui. On va pouvoir tous ensemble accueillir. Levons-nous. Attention, c'est Logocratie 101. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Bonjour. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. La pompe royale, royale. Stéphanie, tu connais François Landry, Maître Landry? Je le connais principalement de voix. Oui, c'est vrai, parce que t'es pas là le jeudi d'habitude, non. Mais tu l'entends à chaque jour, à chaque semaine. Oui. Pas à chaque c'est jour. Pas une voix qui te hante dans ton bureau, non? Rêve à toi, sûrement. Ouf. François, aujourd'hui, ton sujet, c'est Couillard et après. Couillard et après, oui. La semaine dernière, on parlait des élections à venir au Parti libéral du Québec, à savoir, est-ce que c'est Philippe Couillard et Montbachan et ou Pierre Moreau qui va remporter la course à la chefferie du Parti libéral? Et à la grande surprise, oui, applaudissons-le, c'est monsieur docteur Philippe Couillard qui l'a remporté haut la main. On est tous des couillards. Tous des couillards maintenant. Donc, le Parti couillardiste du Québec, non, Parti libéral du Québec. Donc, Philippe Couillard est le nouveau chef depuis dimanche dernier du Parti libéral du Québec. Il a été élu dès le premier tour du scrutin. Donc, il y avait des poules qui se faisaient. Je n'ai pas fait un cette année, là. À un moment donné, c'est trop d'organisation. Mais il y avait des poules à savoir s'il ne remporte pas le premier tour, comment ça va se dérouler au deuxième tour. Et là, il y avait des tractations. Est-ce que Moreau et Bachand vont se lier ensemble, est-ce qu'ils vont faire une alliance, est-ce qu'ils vont s'arracher les cheveux de la tête à savoir qui va prendre le dessus. Mais finalement, il n'y a rien eu de ça. Ça a été plate. Philippe Couillard l'a remporté à 58,5%. Donc, c'est gros. Majorité absolue. Oui. Il a les coudées franches pour faire ce qu'il veut maintenant. Il n'y aura pas de tractation de poignard dans le dos des autres équipes parce que on a volé mes votes, on a bafoué le droit démocratique de cette... Blablabla. Non, il a gagné. Un recompte. Un test d'urine, non. Il n'y en aura pas. 58,5% des voix, loin devant ses adversaires. C'est Pierre Moreau qui a causé la principale surprise. Lui, que l'on disait le nobody de la course, le troisième qui est là juste pour se faire voir devant la caméra, a terminé deuxième. Quand même. Deuxième avec 22%. Donc, une personne sur cinq, plus d'une personne sur cinq a voté pour Pierre Moreau, qui est un jeune député. Jeune, on s'entend en politique, jeune, c'est dans 45 et plus. Ouais. Donc, c'est un jeune qui est une figure montante, qui est un fidèle, un loyaliste. Donc, le chef dit d'éternuer, il va éternuer. Le chef dit reste assis, il va rester assis. Jean dit. Ça va être Philippe dit. Philippe dit. Avant, c'était Jean, mais bon. Et Raymond Bachand, le ministre des Finances, celui qui était supposé être le soldat, donc, ou le fou sur un jeu d'échecs, le fou qui rentre partout en même temps, mais qui est imbattable. C'est Raymond Bachand, l'ancien ministre des Finances, qui est aujourd'hui critique des finances pour le gouvernement, le parti de l'opposition officielle, a terminé avec moins de 20%, donc 19,5%. C'est un rejet quand même. C'est une claque d'en face, pour être poli, là. C'est vraiment ça. Et ce qui était drôle, c'est quand les caméramans et les journalistes ont été le voir pour dire « Commentez votre course ». Ah, je me relie à mon chef Philippe, il a fait une belle course. Et tu voyais la petite lèvre d'en bas, là, shaky. Beau petit pet. Hein? Bon, on récolte ce qu'on a semé. Au total, 2377 délégués ont voté. Il était supposé en avoir 2600 sur une possibilité de 2800. On voit que, bon, c'est quand même gros là, comme vote. Ce sont des délégués. Donc, des délégués, ce sont les membres des circonscriptions qui élisent un porte-parole des délégués. Exemple, à Trois-Rivières, il y avait 26 délégués qui devaient se rendre à Montréal pour voter. Donc, ça fonctionne par représentativité. La victoire de Couillard, du docteur Couillard dans la course à la succession de Jean Charest premier, est sans équivoque. Près de 3 délégués sur 5 ont voté pour lui, comme on l'a dit, à 58,5. Ce résultat lui donne la légitimité totale pour entreprendre des changements qu'il souhaite. Le choix des militants représente surtout une cassure avec l'ère Charest. On se rappelle, printemps dernier, c'est vraiment là qu'on a vu les vrais le vrai sens du mot Jean Charest est un gouvernement qui est intransigeant. Mm-hmm. On ne peut négocier avec lui. Il reste sur ses positions, il est statique. Mais Philippe Couillard, lui, c'est le contraire. Il dit « Je veux amener les débats au Parti libéral. Je veux qu'il y ait des gens qui disent non. » Non, c'est une bonne chose. C'est tant mieux. Ben, pour nous, oui. Parce qu'enfin, il y aura un débat d'idées au Québec. Ben, en tout cas, on touche du bois, là. Ouais. En même temps, pour leur clan, ça doit être bon aussi, parce que sinon, ils n'auraient pas choisi ce gars-là à 58%, j'imagine. Exact. Pourquoi on a choisi Philippe Couillard? On le saura éventuellement dès qu'on le verra à l'œuvre. Pour l'instant, est-ce que c'est parce que c'est lui qui avait la plus belle barbe de la gang? Ouais. Bon, c'était le seul aussi. Mais, Marc Ouellet n'avait aucune chance. Non. Philippe Couillard revient donc au PLQ par la très grande porte, lui qui avait été ministre de la Santé de 2003 à 2008, avant de quitter ses fonctions. On se souvient que Philippe Couillard a été le ministre d'un seul ministère. Habituellement, à chaque 2-3 ans, on change de ministère afin de ne pas s'encrasser dans la machine et pour aussi voir nos forces et faiblesses. Des fois, un docteur peut être très bon en travaux publics parce qu'il il ne connaît rien à ce sujet-là. Donc, il peut apporter de nouvelles questions, peut apporter un nouvel éclairage ou une naïveté ou carrément une absurdité absolue aussi dans le cas de plusieurs ministères. Mais là, lui, on le connaît seulement en santé. On le connaît pas en tant que chef, en tant que rassembleur, en tant que... pas dictateur, mais en tant que... J'espère que peut-être aussi. Mais on sait pas à l'interne. À l'interne, on sait pas. Les portes sont tout le temps closes. Donc, le Parti libéral reste tout de même, malgré tous les débats, le parti de l'économie. Mais l'arrivée de Philippe Couillard apportera aussi une toute nouvelle approche. Ça a déjà commencé à faire shaker les poutrelles du temple libéral en disant « on veut parler de constitution ». On se souvient que le Québec n'a pas ratifié la constitution canadienne de 1982. Et depuis, aucun gouvernement ne veut le signer. C'est genre, c'est un document sur la tablette, dort là, puis bon, les autres provinces ont signé, mais nous autres, on fait bande à part. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent pas créer de gros remous, ils veulent pas se mettre personne à dos? Quand, Mathieu, on parle de Constitution au Québec, il y a des chicanes de famille. Ouais, hein? C'est clair. Même dans ma famille personnelle, là, j'ai des chicanes dès que je parle de Constitution, de fédéralisme, de souverainisme. Donc, à la place, on parle même pas de gauche-droite, on parle juste, c'est de la marde. Ah. Tu parles de la voix, c'est bien assez. Non, non là, c'est moi qui commence un autre débat. Là, c'est moi qui s'oppose à tout le monde. Donc, lui, oui, il veut parler de la Constitution. Pourquoi le Québec en est exclu? Il veut rapatrier, blablabla. Cette question est très délicate. Souvent, elle divise au sein même des partis. Mais elle demeure un dossier incontournable dans l'histoire du Québec. Chaque parti politique est obligé de prendre position une fois dans sa vie sur la Constitution canadienne. Et chaque chef aussi. Donc, Philippe Couillard, on connaît déjà ses couleurs. Régler le problème relève de l'exploit, de la mission impossible pour certains, mais à l'opposé de Jean Charest, Philippe Couillard, lui, veut en parler. Donc, au moins, félicitons-le, il veut ramener un autre que le débat, toujours le fameux débat, l'économie. Les Québécois veulent entendre l'économie, c'est la priorité numéro un des Québécois, le sondage jeudi, l'économie. On peut-tu parler d'autre chose des fois? Juste pour rêver, hein? On peut encore se permettre de rêver au Québec, j'ose espérer. Mais avant de ramener le Québec dans la Constitution, le nouveau chef du PLQ aura des défis, disons, beaucoup plus concrets à faire. D'abord, refaire l'unité du parti. Le caucus étant divisé en trois dans cette course, Monsieur Couillard, on va l'appeler Dr. Couillard, veut renouveler l'offre politique du PLQ. Il s'agit aussi là d'un grand défi dans le contexte d'un gouvernement minoritaire. On sait que le gouvernement peut tomber à tout moment. Bon, les pronostics disent printemps 2014, ça serait une date... potable pour un déclenchement éventuel d'élection. Donc, une date minimale. On s'entend que ça ne sera pas en 2013. Ça va trop mal pour le Parti québécois. Les finances sont pas très, très bonnes. On parle d'économie encore une fois. Ouais, c'est ça, on ne l'évite pas. Hein. On peut pas l'éviter, mais la cote de popularité de Pauline n'est pas tellement haute. Et elle est au coude à coude avec Jean Charest. On a refait le même sondage, Jean Charest, oui. Pauline Marois, et ça arrive au coude à coude. Ça va pas bien. Mais est-ce que tu veux faire ta prédiction pour qu'on ait l'enregistrement pour plus tard? Non? Parce que tu aimes ça faire des prédictions d'élection. Hein? Ben, je dirais au mois de mai 2014, déclenchement d'élection générale au Québec. Hein? Bon, mais, on aura la date en ce mois de mars 2013. Je prédis si la tendance se maintient. Oui, il pourrait y avoir un renversement du Parti québécois sur un budget. Il y aura un énoncé économique la semaine prochaine. Un énoncé, c'est une mise à jour, donc c'est pas sexy. C'est juste, on fait un reset sur les finances et on voit ce que ça donne. Sinon, Pauline Marois pourra saisir elle-même l'occasion de déclencher ses propres élections générales quand elle verra que les sondages, léger marketing et autres... seront favorables pour son parti. Mm-hmm. Donc, c'est un gouvernement qui va gouverner selon les sondages. Donc, à surveiller, dès que vous voyez le PQ remonter, tenez-vous prêt à un déclenchement éventuel d'élection. Et est-ce que ça redescend? Oui, il y aura une tendance. Donc, ça prend 3 mois pour avoir une tendance dans les sondages. Donc, dès le premier sondage, c'est une cote favorable. Si le deuxième mois, c'est une cote favorable, attendez-vous le troisième mois à ce que ça soit tentant pour le Parti québécois. Mmh. Parce que gouvernement minoritaire, ils ne peuvent rien faire. Ils sont toujours obligés de négocier avec la CAQ ou le Parti libéral. Là, ces temps-ci, c'est avec la CAQ parce que François Legault est en manque de visibilité médiatique. Donc, il se rapproche du PQ juste pour dire... T'sais, la mouche qui gosse autour de la vache, là. T'sais, elle est fatigante. Tu peux pas l'éviter, elle est là, mais faut que tu fasses avec. Bon. Docteur Couillard devra aussi décider s'il tente de gagner un siège prochainement à l'Assemblée nationale ou s'il attend les prochaines élections. On sait qu'il n'est pas député. S'il veut être député, ça pourrait être dans Outremont. Outremont est détenu présentement par Raymond Bachand. Raymond Bachand a indiqué qu'il pourrait ne pas se représenter aux prochaines élections puisqu'il a mangé une volée à la course à la course à la chefferie du Parti libéral. C'est combien son résultat? 19,5, ouais. Même pas atteint le 20%. Ouais. Là, donc, quorum moral, pas le quorum moral, mais le plancher moral, là, il n'a pas été atteint. Donc, ne pas avoir de siège pour Philippe Couillard pour le moment lui permet de travailler tout de même sur le terrain. Il veut entreprendre une tournée des régions. Il va venir à Trois-Rivières certainement. Rockstar! c'est la nouvelle vedette. Écoute, un jeune fringant qui n'a pas été mêlé à des affaires de copinage. Oui. Juste Arthur Potter demain pour ceux qui suivent l'actualité. On va s'en souvenir. Donc oui, mais malheureusement, il ne pourra pas donner la réplique quotidienne à Pauline Marois. Ça sera encore Jean-Marc Fournier qui a été reconduit dans ses fonctions de chef parlementaire du Parti libéral. Donc, le chef de l'opposition officielle, c'est maintenant c'est encore Jean-Marc Fournier. On s'en souvient, c'était le bras droit de Jean Charest. Et Philippe Couillard lui donne à nouveau sa confiance. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec Pierre Moreau? Hein? Il est arrivé deuxième avec 22 quelques pourcents. Oui, 22% tout juste. Sa deuxième place au premier tour est le scénario idéal pour lui. C'est la victoire qu'il n'espérait même pas. Donc, premièrement, il a su démontrer que les militants l'aiment. Donc, déjà qu'il y a un amour, un respect, c'est déjà une grande victoire en soi. Et deuxièmement, il n'a pas eu besoin de se commettre dans un deuxième tour, donc pour attaquer ou se ranger du bord d'eux. Parce que s'il s'était rangé du bord de Raymond Bachand, et c'est Philippe Couillard qui gagne quand même le deuxième tour, on s'entend que tu m'as trahi, pas une fois, mais bien deux fois, la porte est là-bas. Ouais. Ah, bon. Mais là, il n'a pas eu à se commettre, donc il va être sûrement promu à une belle vie, une belle qualité de vie au sein du Parti libéral avec un poste très honorant. Pour Raymond Bachand, le pauvre tipette, c'est plus compliqué. Il a attaqué farouchement Philippe Couillard. C'est lui les scandales sur Arthur Porter, l'ancien DG du CUSUM à Montréal. Donc c'est lui qui a sorti ça, qui a coulé ça dans les journaux. C'est lui dans les débats qui a attaqué farouchement Philippe Couillard. Donc, quand tu craches en l'air, habituellement, le proverbe le dit, ça te retombe en pleine face. C'est en train d'y arriver tranquillement, pas vite. Là. Les claboussures commencent tout à ralentir. Ralentir. Ouais. Tu l'imagines en stop motion. Ouais. On voit le genre. Là, pour l'instant, Philippe Couillard a dit à Raymond Bachand, je veux qu'il demeure député, je veux qu'il demeure critique de l'opposition officielle en matière de finances. Mais on s'entend que ça, c'est pour la presse, pour les médias. Dans les apparences. Mmh. Hein, oui. Dans les couloirs, les couteaux doivent être affûtés. Et donc, je le disais, Jean-Marc Fournier, lui, qui demeure chef et whip et président du caucus. Donc, trois gros titres. Donc, c'est lui qui a le fouet. Oui, c'est ça, le whip, c'est tout le temps drôle. Hein? Oui, j'aimerais ça être un whip plus tard, moi. T'sais. Oui. Pas comme l'Amérique le whip, là, mais être le whip. Tu sais, celui qui fouette ses troupes pour dire « Hey, toi, tu lèves » ou « Toi, tu votes » ou « Toi, mmh. hein? » Bon. J'aimerais ça, tu sais, la Louve SS, mais masculine. Ouais. Un très bon film en passant. Ah, oh. Donc, on verra pour ce qu'il y en est. La session parlementaire est recommencée depuis la semaine dernière. Donc, on verra la suite des choses. Raymond Bachand, oui. Philippe Couillard va entreprendre sa tournée québécoise. On va surveiller ce qu'il fait, ce qu'il dit. Chaque fait et geste sera scruté à la loupe par l'opposition, c'est évidemment, parce qu'ils veulent détruire son image avant même qu'il se fasse élire. Donc, ça va être palpitant. Moi, je vais triper, ça c'est clair. On va suivre ça, l'actualité. Et surtout la commission Charbonneau qui a été prolongée de 18 mois. Oh! Donc, dans 18 mois, élection. Il y a 18 mois, c'est donc bien long. Ça va parler non, de ça, Mathieu. Non, 10 ans minimum. Je veux un 10 ans minimum de commission. Je veux faire la... Oui. Oh, mais ça parle rien que de ça tout le temps. Mais on parle juste d'économie, Mathieu. Puis on parle juste d'informatique. Puis on parle juste de la guerre en Syrie, Mathieu. C'est vrai, t'as raison, François. François. Oui. Bon, à la semaine prochaine. Ben oui, ben on va encore parler de politique, Mathieu. Oui, ça c'est vrai, mais au moins c'est plus large. Ouais, il y a ça. Tu sais, la commission Charbonneau s'est centrée sur une chose bien précise quand même. Ouais, ben c'est un beau feuilleton. Peut-être. T'sais, c'est soit ça ou les belles histoires des pieds d'en haut. Ben, peut-être justement que ça manque d'un beau petit générique au début, t'sais, avec une musique comme les feux de l'amour. Oui, oui. Là, tu vois oui, les personnages qui arrivent, puis juste leur face, avec le nom. Puis des green screen, là, de pour mettre des effets Oui. On fait ça. On se met là-dessus. On se met là-dessus. Donc, jeudi prochain, 8h30 pour notre chronique Logocratie 101. Merci. Bon plaisir. On va terminer l'émission ici, Stéphanie. Oui. Moi, c'est le moment déjà, mais on te perd pas parce que tu vas être là lundi aussi à l'émission. Si je me lève. Si tu veux, tu... J'ai trouvé ça dur ce matin. C'est un peu difficile, ouais. Surtout 3 jours de suite, ben presque, mercredi, jeudi, lundi. Oui, c'est 3 jours de suite si on compte pas la fin de semaine. C'est ça, si on compte la vie comme étant juste un assemblage requis. Exactement. Lundi ou jeudi. Ben tu sais, vendredi, jeudi est le nouveau vendredi, comme on dit. Oui, les derniers seront les premiers. C'est ça, exactement. Donc lundi, tu vas animer avec moi et on va avoir la présence de Simon Fitzbay avec Fitzbeat. Ooh. On a la chronique d'Alexandra Carignan, le temps d'une culture. Mm-hmm. On reçoit le directeur général des élections, Bruno Lemaire-Corbeil. Tu es un maire, c'est une corbeille, aucune idée, on va lui demander. Ah. On sait pas. On va lui demander. Non, mais là, à un moment donné. On remercie tout le monde qui a participé à l'émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire Maxime Bilodeau, Angie Durocher, Jasmine Raymond-Réville, virtuellement parlant, François Landry, Roxane Dulon, candidate au poste des communications à la GE. Toi, Stéphanie Paradis, merci. Ben, merci, Mathieu. Ça me fait plaisir. Restez à l'écoute parce que le dîner de con s'en vient tout à l'heure à 11h. Avant ça, il y a La Belle et les Bêtes à partir de 9h. En après-midi, je serai de retour avec les Palmarès et Fous en compagnie de toi-même, Stéphanie Paradis. Mais oui, encore moi. Notre grosse journée together. Tabarouette, hey. Le monde va être tanné de nous entendre, dire nos niaiseries. Ben, c'est pas notre problème. Nous autres, on va y dire pareil. C'est ça. On se quitte avec ton choix. Est-ce que t'aimerais mieux entendre les Sœurs Moulées? Ou Ponctuation? Ponctuation, j'aimerais bien découvrir ça. Youpidou, Laidou, on s'en va entendre à bout de souffle. Et c'est là-dessus que la semaine se termine. Passez une belle fin de semaine et la fin de la semaine en cours aussi, parce qu'à un moment donné, le vendredi existe pareil. Hein? Oui, il faut pas l'oublier. On travaille, mais nos bureaux vont être en construction, nous autres, fait qu'on va être à chasse, ou je sais pas trop quoi. Fond les murs. On perd notre fenêtre, on fond un mur. Ça fait du bruit, ça pue. Allez, va! Yeah.